Bah c'est pas compliqué, je me suis endormi avec elle, je me réveille avec elle donc. Ah oui. Hey, alors hier, il faut savoir que hier soir, il y avait Marion et Anso qui recevaient Tal dans le night show. Et donc vers 11h du soir, je sais pas vers quelle heure en fait, j'étais en train de dormir. C'était vers 22h20, 30. Ouais. Et ben je dormais en fait. Ouais, ah bon, j'ai une vie de vieille dame, je pense. Et là j'entends, ouais Bruno, Anso, j'ai rien compris en fait. Et en fait c'était quoi, vu qu'elle chante Are We Awake, voilà. Êtes-vous réveillé? Exactement. Sommes-nous réveillés? Exactement. Pour voir si j'étais réveillé. Oui voilà. Et ben m'a réveillé cette connasse de Tal. Ouais, oh Tal, tu crois que j'ai que ça à foutre? Ah oui. À 3h30 le matin je me lève madame. Moi j'ai pas décroché, j'ai découvert le message ce matin. Mais bon, avoir un message de Tal de bon matin Are We Awake, c'était plutôt cool. Ouais, ouais, ça m'a un peu saoulé. Du coup Bruno, on peut dire que Tal eut les boules. Bien sûr. Voilà. Eh oui. J'en ai rien à péter. D'ailleurs, est-ce qu'elle fait des pétales? Ouais. Oh! Et le matin au petit-déj, quand elle se lève, est-ce que tu crois qu'elle a les crocs, Tal? Ah. Boum! Ok, il y en a d'autres qui alors, se attends, présentent sur le jeu de mots pas avec Tal. Très doué là-dedans. Allez, on y va. Quelqu'un dans l'équipe? Carina. Du JPI, attention. Elle aime le fromage et mental. Hey ouais. Non! Quand elle dit pas la vérité, est-ce qu'elle mental? Ah voilà, oui. Là, tu vois, là, ça marche. Hop, attends, est-ce que le vin, elle le garde dans des fûts, Tal? Ouais, là, hop. Un fût, Tal. Mika du JPI. Est-ce que quand elle a mal, elle va à l'hôpital? Ok, ouais. Très bien. Ouais. Okay. Anto du JPI. Mais sinon, elle rentre quand, Tal? Quand, Tal, très bien. Quand, Tal. Est-ce que d'autres personnes se présentent dans l'équipe? Non, c'est bon, on a fait le tour. Ah, Luzman du Standard. Est-ce qu'elle est en direct, Tal? Quoi? Rectal? Ah, ah, direct, oui. Toi, décidément, le fait d'avoir bossé avec Christophe Beaugrand, ça te suit partout. Hein. Ça revient toujours au même endroit, c'est fou. Hein. Parakeet, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Bonjour la famille, on est là, on est en pleine forme. Il y aura Sac Noël avec Trompettes. Il y aura Jonas Blue là, qui va arriver également avec Perfect Stranger. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je tiens à vous prévenir, nous sommes dans une forme olympique. Et puis surtout, on a de la grande nouvelle à vous annoncer. Ah, l'équipe de Bruno dans la radio. On arrive chez vous après les infos. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Fun. Est-ce que Max Poulaouek a un jeu de mots avec Tal? Je suis journaliste, donc je suis pas censé être drôle. Oh, non, alors tu sais quoi? Tu es très drôle. Voilà, je tiens à te le dire, nous te trouvons très drôle dans l'équipe. Merci. Et on sait que tu peux avoir un jeu de mots avec Tal. À 6h30 peut-être. Ouais, non, à 6h. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Tant que tu n'auras pas ce jeu de mots, tu ne feras pas de flash. Oh là, bah, en plus, moi je viens d'en trouver un, genre un mot pas trop drôle pour justement pour un journaliste. Vas-y. Bah non, mais c'est fou. Ah bah non, donne une, pas d'accord. Non, mais très bien, on attend, c'est pas grave. Je suis mal barré là. C'est toi qui vois. Moi, tu sais, cette musique d'info, je la trouve t'allais très sympa. T'allais me le dire avant? Non. Improvisation. Ah, c'est un peu osé ce que me dit Elliot quand même. Hein. Non, faut que tu trouves de par toi-même. Moi, je vais faire un petit peu, si vous voulez. Ouais. Bon, la météo aujourd'hui, c'est pas mal. Voilà, je vous dis. C'est bien, oui, quel temps il fait? Écoute, pas mal, c'est toujours pas mal. Un peu frais, ouais, hein. C'est sur l'ouest encore où ça va être un peu chiant, mais sinon ça va. Ouais, c'est ça, bon, ça va. Ça vient pas du tout. Eh ben, c'est pas grave, écoute, on va. J'avais le talé boule, mais il a déjà fait. Ah, bah, trop tard. 15 à Lille, 16 à Paris, ça dit. Clermont, La Rochelle, ça fait 17. Bordeaux, 18. Lyon, 20. Tarbes, 21. C'est bon. Moi, j'en ai plein qui viennent, hein, Maxime. Ouais, ouais. Est-ce que vous croyez que le plus vieil ancêtre de Tal, c'était l'homme de Néandertal, Tal? De Néandertal. Oh, bah non. Oh, tu l'as raté. Néandertal. Nul. On t'attend, Max. Non, j'en ai pas comme mais ça. T'as le temps. Non, ne nous déçois pas. Attention, il reste 40 secondes. Il te reste 40 secondes, Maxime, ouais. Ne nous déçois pas. J'ai le droit de demander un joker, un peu d'aide non, au public. Non. Non, non. T'es obligé de... Ah, t'as le seum de pas faire ton flash. Ouais. Mais vous êtes trop fort, en fait. Ah ouais, hein. Je crois que j'ai bien fait de faire journaliste. Il reste 24 secondes. Allez, bah là, c'est la France hein, qui attend, Maxime. Allez, Poula. Ah non! Tu peux le faire. Ah, non, mais t'en as un. Je sens que je vais finir à l'hôpital quand même. Ah, on l'a déjà faite. Ouais. On n'a pas le droit de faire un doublon. Ah non. On l'a déjà faite? Ouais. Quand bon, Maxime, écoute, c'est pas grave. Reviens à 6h30. À 6h30, j'en veux 3. Allez, fous-moi le camp. Fun Radio. Chut, chut, chut, chut, chut. Oh putain, c'est vendredi! Ouais! 6h04, bonjour! Bonjour! Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France. C'est vendredi, les amis, c'est un Bruno dans la radio complètement dingue qu'on vous a prévu ce matin avec toute l'équipe de Bruno dans la radio. Car ce matin, nous pouvons le dire, oui, il est là, il est arrivé, le divin enfant. Nous avons la joie et le bonheur de vous annoncer la naissance de Georges. Ah. Mais moi j'aime bien Georges. Désolé Vaché, hein, quand est-ce qu'on peut démarrer les blagues avec le prénom Georges? Non, honnêtement, non, moi j'aime beau, bien. C'est beau Georges. J'aime bien Georges. En plus c'est revenu à la mode. Et puis il l'écrit d'une certaine façon à la brésilienne. J-O-R-G-E. Ouais. On est d'accord que ça va le poursuivre toute sa vie à l'école. Non madame, c'est pas avec un G, c'est avec un J. Bah oui, mais bon, au moins il a deux cultures cet enfant, c'est bien. Il s'appelle Georges, Georges Vaché, Georges Vaché, Georges Vaché, Georges, Georges, Georges. Et il s'appelle Georges Vaché, il s'appelle Georges Vaché, Georges Vaché, Georges Vaché, Georges, Georges. Voilà, bon, Vaché et papa, donc depuis hier. Alors, je donnerai pas les détails de tout ce qui s'est passé. Il le fera mieux que nous quand il viendra nous rejoindre, je pense, la semaine prochaine. Mais au nom de toute l'équipe de Bruno dans la radio, au nom de toute l'équipe de Fun Radio et au nom de la France... Je voudrais saluer la bienvenue à ce nouveau bébé Bruno dans la radio, qui s'appelle donc Georges. Et qui reçoit et qui rejoint ainsi toute la troupe des enfants Bruno. Oui, parce qu'on se reproduit pour recréer une équipe Bruno dans la radio dans quelques années. Il rejoint Paloma, il rejoint Romy, il rejoint Anatole. Et je peux vous dire qu'on va continuer à brosser pour en faire des enfants parce qu'on est chaud bouillasse. Bon, il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour, moi je dois dire que j'ai versé ma petite larme hier quand j'ai appris la naissance, vraiment. Alors, moi j'ai vu la tête de Vaché, il m'a envoyé une photo avec le bébé posé sur lui. Moi ça m'a ému, voir les poils sur la poitrine de Vaché, j'ai pleuré aussi. Non, moi j'ai été ému jusqu'à temps que j'apprenne le prénom, quoi. C'est ça. Non, je rigole, Georges ça va, mais Georges Vaché. Là, ça fait vraiment... Ça fait tueur en série un peu. Tueur en série, soit... Franchouillard. Ou un ancien guerrier, là, celui qui a fait la guerre en 14-18. Là, Un poilu. Ah ouais. Un ancien combattant. Bon, allez, les amis, comme chaque matin, l'émission, on va la dédier à un auditeur de Fun Radio. Et ce matin, il habite à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il a 21 ans. Il s'appelle Pierre-Jean. Applaudissements pour Pierre-Jean. Bruno dans la radio. Oh, oh, oh. Salut Bruno. Famille. Comment ça va, PJ? Ça va super, et vous? Ça va plutôt pas mal. Pierre-Jean, c'est toi l'auditeur de ce matin, auditeur du jour, jusqu'à 9h15, tu vas voir la ligne directe du studio. Tu peux faire de la radio avec nous quand tu veux ce matin. Tu peux décider de ce que tu veux qu'on parle dans l'émission. Tu veux qu'on parle d'un truc particulier. Tu peux le choisir vraiment en appelant la ligne directe du studio. Et en plus, tu as le droit à ta question un des membres de l'équipe. Et alors, il faut savoir qu'on l'a lancé il y a deux semaines. Le vendredi, c'est une question un peu coquine. On a le droit à une question osée. Oui, parce qu'on se lâche. Voilà, c'est au putain, c'est vendredi, quoi. Un des membres de l'équipe. Pierre-Jean, à qui veux-tu poser ta question? Eh bien, à toi, Bruno. Ok. Ah. Alors. Alors, bah, la question, c'est... Bruno, tu te plains tout le temps, en fait, que tu fais jamais l'amour. Donc, du coup, ma question, c'est quand la dernière fois? Oh mec. Alors vraiment, on ment pas. Il y a combien de jours? Ah non, je crois que c'est en deux mois. De mois? Ah ouais, c'est en mois. En mois, carrément. D'années? De siècles? Ah non, on est sur du mois, je pense. Hein. Ça doit remonter à cet été, à mon avis. C'était en 1850. Oh bah cet été, ça va. Alors ça fait deux mois, quoi. Pas début, hein. Ah, trois, alors. Trois. Et c'était long. C'était pas complètement les vacances. C'était bien, c'était long. Hein, c'était bien. C'était... Oh bah tu sais, quand tu attends 4 mois, c'est pas super long. Hein, en dire que c'est un peu Speedy Gonzales, hein, la story, hein, vraiment. D'accord. Donc voilà Pierre-Jean. Merci de me mettre un peu dans la merde par rapport à cette équipe. Voilà. Mais moi, je donne tout à mon travail. Voilà. Pierre-Jean, c'était quand toi la dernière fois? Oh bah moi, ce sont en année. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon bah écoute, comme quoi, tu vois. Et si t'as pas commencé, tu peux le dire aussi, Pierre-Jean, il n'y a pas de souci. Hein. On a le droit d'être vierge à 21 ans. Pierre-Jean, mon pote, je t'embrasse. Bisous, la famille. Passez une bonne journée. De toute façon, quand tu commences à aller plus sur YouPorn dans la semaine que faire l'amour avec ta femme, c'est qu'un problème. Tu sais quoi, même plus. Même plus. Ah, t'as plus envie de rien? Non, rien. Oh, t'es dégoûté? Non, je vais voir des tutos pour faire des macramés maintenant. Oh là là. T'es perdu. <ouais. rire> Allez, on attaque l'émission avec deux parakeets et on joue au 32-28 dans 3 minutes. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Bonjour la famille, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le 7 octobre. Je vais lancer, je pense, avant 7h du matin, le Mac qu'on va vous offrir aujourd'hui. Ah, ce serait bien de l'offrir tôt, ouais. Ouais. J'ai envie de l'offrir avant 7h. Hmm, bah, vous voulez que je peux le lancer maintenant? Bah vas-y. Maintenant, on s'en fout. Allez hop, pour les gens qui sont réveillés tôt, là, les gens qui ont bossé cette nuit, les boulangers, les éboueurs, toutes ces professions là qui bossent super tôt le matin, on offre le MacBook Pro Retina, d'accord, et on va vous le filer avant 7h du matin. En fait, là, je lance les 30 minutes, donc vous avez jusqu'à 6h43. 6h43 pour envoyer Bruno par SMS. Tout con, hein, Bruno, ouais, par SMS. Vous êtes en France, vous l'envoyez au 74 900. Vous êtes en Belgique, vous l'envoyez au 63 22. Une fois que c'est fait, bah vous attendez, bien sûr. Oui. Vous attendez 6h43. À 6h43, je fais un tirage au sort. Un des numéros qu'on aura reçu par SMS, je vais l'appeler en direct. Et si c'est vous, vous repartez avec ce MacBook Pro. Alors c'est un Retina, c'est un 13 pouces. Il vaut 2000€, les amis. C'est bien, c'est pas l'entrée de gamme. Hein. Non, c'est le bien, quoi. Et quand il dit Retina, c'est la qualité de l'écran. Exactement. Pour tous ceux qui se posent la question. Si vous n'avez pas besoin de l'ordi, qu'est-ce que vous faites une fois que vous l'avez reçu? Puisque vous allez le recevoir demain, je vous l'envoie en chronopost dès 9h30. Si vous voulez, vous le mettez sur un site marchand, puis vous le revendez ou vous faites du cash. Moi, je m'en fous. Après, il est à vous, faites ce que vous voulez. Et ça, honnêtement, ça part dans la journée. Évidemment, hein. Bien sûr. Ouais. Au pire, tu vois, il vaut 2000€, tu le mets à 1900 boules, il part. Hein. Parce qu'il est sous blister, il est tout neuf. Ah oui, il y a la facture et tout. Et évidemment. Bon, Bruno par SMS, 74 900 pour la France. Pour la Belgique, c'est le 63 22. Pour la Belgique. Pour la Belgique, ouais. Bonjour à tous, la Belgique. Et puisqu'on parle de site marchand, je viens de tomber sur un truc qui m'a fait gueulerie là ce matin en préparant l'émission. Puisqu'on parle de Mac, il y a une bougie qui est en vente, c'est sur Amazon, une bougie qui a l'odeur du Mac, mais tu sais, du Mac neuf. Oh, je la veux. C'est énorme. Je le dis pour ceux qui vont gagner l'ordinateur. Ceux qui ne l'ont pas, au pire, pourront se consoler avec cette bougie qui est vendue 24$. Et elle sent l'odeur du Mac quand tu enlèves le blister, l'odeur de l'ordinateur frais. Ah, c'est un délire. Bien, ça. Ouais. Bon, ça peut être une odeur à peu près kiffante. Ouais, ça va, c'est cool. Hein. C'est mieux que. C'est quoi? C'est une gamine avec des poux? Ouais. C'est ça. Hier, en fait, il y a un gamin qui est passé à côté de moi dans la rue. Et donc, je pense que sa mère lui avait mis du produit anti-poux sur la tête. D'accord? Et elle avait laissé poser. Et en fait, quand il est passé à côté de moi, j'ai senti, tu sais, genre, c'est du parapouf, ouais, je crois. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça m'a ramené, mais des années en arrière, quand ma mère m'en mettait, que j'avais des poux plein la tête et tout. Mais je te jure, cette odeur, je ne la supporte plus. Traumatisme. Il y a, il y a des odeurs qu'on peut pas supporter. C'est quoi toi, Elliot? Moi, c'est cliché, mais c'est le parfum de mon ex. Quand je le sens dans la rue, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah ouais, bah oui. Qu'elle m'a largué comme une merde. Non, mais ouais, non, moi, c'est le. Moi, je suis très sensible aux odeurs de parfum, alors du coup. D'accord. Il y a une odeur qui te dégoûte que tu supportes pas, toi, Bruno? À part mon odeur, Bruno. Moi, c'est l'haleine des gens qui ont des renvois de. Tu sais, quand ils ont mangé de l'ail. Ah, ça, c'est dégueulasse. On le dit pas autant. Souvent. Alors moi, tu vois, autant les proutes, ça me dérange pas. Voilà, je vous dis, ah bon, même le prout d'autrui, je m'en fous. Vraiment, d'accord. Une odeur de prout, ça me dérange pas. Le prout même du cochon. Même si vraiment il est un peu fort, tu vois, je peux dire oh, bah chapeau bas quoi. Tu vois, je peux féliciter la personne. D'accord. Okay. Autant l'odeur de rototo, ça me dégoûte. Ah, mais bah ça oui. Pourrait me faire vomir, vraiment. C'est vrai. Ça. Non. Chloé, on lance ce sujet-là, les odeurs qui vous dégoûtent. Allez, évitons les caca et tout ce qui va avec. Oui, bah ça c'est logique. Mais il y a des odeurs, tu vois, il y a des gens. Moi par exemple, j'adore l'odeur de l'herbe coupée. Il y a des gens qui supportent pas. Et ben voilà, on peut en parler. 32-28. Sujet léger de vendredi, les amis. Oui, tout gagné, tout perdu de ce matin. On va jouer avec Angélique. Angélique, elle a 25 ans, elle habite à Nice. Applaudissements pour Angélique. Coucou, Bruno. Coucou la famille. Coucou. Ça va? Ça va bien, ma belle. Tu fais quoi dans la vie, Angélique? Restauration. D'accord, c'est-à-dire tu bosses où? En cuisine, tu bosses au service, tu bosses où? Bah, je suis plus à la cafette, donc je fais les cafés, les cappuccinos, le chocolat. D'accord, voilà. Très bien. Est-ce que tu fais des petits dessins dessus? Non. On voit beaucoup en ce moment de tutos, tu sais, avec des gens qui servent des expressions, ils font un dessin dessus, un cœur. Oui, mais le temps de le faire, le truc est froid ouais, après, non? Ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai trop de café, je veux pas, j'arrive pas. Bon, Angélique. Tu viens de gagner un overboard. Oui. Et je t'offre en plus des enceintes JBL Pulse, d'accord, qui sont Bluetooth, ok. Et je rajoute un casque de DJ, Sonovante pour la marque, et la compile Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi. D'accord? Ok, c'est maintenant, bon. Maintenant, il faut que tu les gardes. Bah ouais, même si vos questions elles sont compliquées, mais non, j'ai essayé. Ça dépend des fois. C'est vrai, j'avoue, ça dépend, Christina, t'as raison. Chaque mauvaise réponse entraîne la perte d'un cadeau, donc forcément il faut que t'essayes d'avoir un max de bonnes réponses, d'accord? Ok, c'est bon. Première question, c'est parti. Gangnam Style. Open Gangnam Style. De Psy. Est considérée comme la chanson la plus reprise de tous les temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Bah oui, c'est faux. Bah oui. Ouais. T'as le record, record de vidéo vu, je crois, sur Google. Mais en termes de reprise, non, c'est pas ça. C'est cette chanson. Il y a plus les anciennes, je pense, non? Ouais. Bah ouais. Allez, Rolling Stone. Non. L'autre. L'autre groupe. Beatles. Les Beatles. Beatles. Ouais, nombre de reprises estimé à 3000. Je crois que c'était comme d'habitude de Claude François. Non, c'est celle-ci. Tu gardes tous tes cadeaux. Voici la deuxième question. Le courrier électronique, à savoir l'email, il existait avant Internet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Ouais. Je pense. Bah ouais. Ça existe il devait depuis... y avoir. Mais pourquoi tu dis que c'est vrai? Parce que Internet, d'accord, mais il devait y avoir des trucs où on pouvait envoyer des mails ou je sais pas. Tu racontes un peu quoi? Elle est partie dans un délire, Angélique, en disant pop, pop. Non, en fait, depuis 1965, en tant que moyen de communication entre utilisateurs d'ordinateurs à exploitation partagée, c'est-à-dire dans le même bureau, quand ils étaient connectés les uns aux autres, tu pouvais t'envoyer des messages. Ah, d'accord. Et donc, c'était des emails. Tu gardes tous tes cadeaux, Angélique. On est à mi-parcours. Troisième question. Au Vatican, jusqu'en 2011, il était possible de choisir le latin parmi les langues sur les distributeurs de billets. C'est-à-dire que tu allais retirer de l'argent au Vatican, d'accord? Tu pouvais retirer en payant. Enfin, c'était écrit en latin. Faux. Oh. Tu parles au Overboard. Ouais. Parce que, en fait, ils parlent tous latin, forcément, non? C'est une obligation, ouais, je pense. Mais moi, je parle latin, quoi. Oui, ah ouais, mais t'es le seul. Et ils l'ont enlevé en 2011? Et ouais, ça a été jusqu'en 2011. Alors, toi qui parles latin, comment on dit, est-ce que je pourrais retirer 50 euros? Qui pa oper a quinquaita ires. C'est de l'espagnol, ça, tu te fous de moi. Et bonjour, tu sais dire bonjour? En latin? Ouais. Abemus papam. Non, non, mais honnêtement, j'ai fait du latin pendant 5 ans. Mais il y a des trucs qui me servent à rien. Mais par exemple, j'ai réciter le loup et l'agneau. Non, mais c'est beau ce que t'as fait. Tu sais que moi, le latin au collège, c'était pour. Et pour pécho, je peux dire que t'arrives à une nana et tu lui fais Atribum, lupus et agnus, venerant city compulsi. Je peux dire que tout de suite. Bah, si elle est fan d'Harry Potter, d'accord. Mais, mais je pense qu'il y en a plein qui sont dans mon cas. Le latin, pour moi, au collège, c'était un peu la punition. C'était l'option que tu prenais en plus et t'avais moins d'heures pour manger. En plus. Ouais, j'en ai fait 4 ans, moi. Oh là là. Bon, Angélique, tu joues pour l'enceinte, le casque et la compile. Dernière question. La vitesse d'une taupe est de 28 km/h. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Angélique? Elle est plus là, je crois. On l'a perdu. Qu'est-ce qui se passe, Louzmane? Louzmane me regarde avec. En ligne. Eh ben, écoute. Oui, oui, Angélique. Bah alors, la vitesse de la taupe, c'est 28 km/h. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, je sais pas. Oui, bien sûr. Bah, ah, c'est bien connu. Regarde, la taupe sous terre. Non. Et elle creuse à une vitesse. Je veux dire, on a pris des taupes pour faire le tunnel sous la Manche. Angélique, tu perds l'enceinte, tu gagnes le casque et la compile. Ouais. Merci beaucoup, Bruno. On t'envoie ça vite, ma belle. On te fait des bisous. C'est gentil, merci. Passe une belle journée. Ciao, ciao. Vous aussi. Vous écoutez Fun Radio. C'est quoi l'odeur qui vous dégoûte un peu? On peut en parler là. 32-28 après Trumpets. Hey yo, this is Sean Paul, the guys, I'm overall. When I come to France, you know I'm listening to Bruno on Fun Radio. You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Watch when you bubbly, bubbly. Serious thing, it's on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Sac Noël et Trompette sur Fun Radio. Les amis, aujourd'hui, c'est vendredi. Oh putain, c'est vendredi. Et alors, le vendredi, en général, on vous sort un bootleg. Ah oui, on oui. vous sort un mashup, on vous sort un truc qui est un peu en ambiance vendredi. Je peux vous dire que le truc de ce matin, je sais pas vers quelle heure je vais le passer, mais ceux qui vont tomber dessus vont perdre l'audition. Voilà, je préfère le Ah bah, c'est pas qu'il envoie, c'est au-delà. La Swedish House Mafia, d'accord. Okay. Vous connaissez la Swedish derrière. Et la gratte, vous voyez qui c'est ou pas? Bah, Christina, c'est ton groupe préféré, donc s'il te plaît. C'est les Red Hot. Red Hot Chili Pepper. Il y a Z aussi dedans. C'est un mix des DJ From Mars. Là, ça commence gentil, hein. Ouais. Mais alors, quand ça part, je vous mets quand ça part ou pas? Vas-y. Oula. Voilà, ça va taper un peu. Ah okay. Oui, non mais hey, les amis, c'est vendredi. Ça va, 6h25. Wake up. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Radio. Tiens, dans quelques secondes, chiffre du jour. C'est 33 le chiffre du jour. On est chaque jour 33% à avoir le même problème. C'est quoi ce problème à votre avis? Ça touche les garçons comme les filles? Peut-être un peu plus les filles d'ailleurs. Je pense que c'est perdre quelque chose. Ça pourrait être ça, mais ça n'est pas ça. Non, c'est pas un ça. Tiers d'entre nous a ce problème chaque jour. D'après vous, c'est quoi? C'est pas avoir une tache sur son t-shirt tout propre là, ou un trou. C'est vrai que ça t'arrive tous les jours. Ouais, moi, tous les jours, c'est soit du dentifrice, soit un là, trou. Là, c'est pas repassé. Il y a pas de tache, mais c'est pas repassé aujourd'hui. C'est quoi, un truc. On a le même problème. Tous les jours, on a le même problème. D'accord. Et c'est pas une question d'embouteillage, de voiture, de transport en commun, etc. D'accord. C'est un truc, ça peut t'arriver de 6 mois à 99 ans, vraiment. Okay. Ça touche tout le monde. On va en parler là, au 32-28. Et puisqu'on est au 32-28, je voudrais qu'on accueille Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. C'est avec Aigues-sur-Mer. On était en train de parler tout à l'heure des odeurs et qui nous horripilent un peu. On a tous des odeurs qu'on trouve cheloues, qu'on n'aime pas. C'est quoi toi la tienne? C'est l'odeur des champignons. Ah bon, pourquoi? Ça a pas d'odeur. Bah si, ah grave. Si, ça a une odeur, c'est horrible, ça me donne juste envie de vomir à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ouvre une boîte de champignons. Ah mais alors attends, boîtes, est-ce que c'est l'odeur des champignons en boîte ou l'odeur, moi je vais ramasser des cèpes quand c'est la saison des cèpes, l'odeur du cep, oui. Quand le soleil est en train de se lever sur la forêt, tu le sens le cep, t'aimes pas cette odeur là du cep Delphine? Non, je la connais pas. D'accord. Et les mycoses, tu te... Ah non, mais enfin, c'est des champignons aussi. Delphine, je te fais des bisous, ma belle. Jérôme, il est à Avallon, c'est dans le 89. Salut, Jérôme. Oui, salut, Bruno. Salut, la famille. Salut. Salut, mon Jérôme. Tu fais quoi dans la vie, mon pote? Je suis routier. Routier, t'es au boulot déjà ou pas encore? Ouais, je suis au boulot, ouais. Bon, bah écoute, avant que tu repartes et qu'on t'envoie les bons chiffres, comme on dit chez nous, les amis routiers, c'est quoi, toi, l'odeur qui t'exaspère? Ah, moi, c'est l'odeur de chien mouillé. Quand tu vas promener ton chien, tu vas le baigner au lac, et puis que tu le recharges dans le coffre, l'odeur de chien mouillé dans la voiture. C'est vrai que ça pue, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord, ça pue. Ah, je suis d'accord avec toi. Le chien mouillé, ça pue. Oui, Eliott. Moi, j'adorais ça. Genre, j'aimais tellement mon chien que je le caressais très fort quand il était mouillé. Comme ça, je pouvais garder l'odeur tout le week-end et je me lavais pas. Ceci explique cela. Je te fais des bisous, Jérôme. Merci d'avoir appelé, mon pote. Tiens, il y a Karina du JPI qui avait une odeur un peu chelou à nous proposer. Ouais, moi, j'aime pas l'odeur de l'eucalyptus. Parce que ça me rappelle les suppos. Tu sais, le suppos à l'eucalyptus quand t'as mal à la gorge. Attends, putain, je te retrouverai le nom parce que j'aimais pas non plus. Coclucédal. Exactement. Ah. Ouais, j'en ai mis un hier. C'est vrai que ça arrive. Justine à Tourcoing. Bonjour, Justine. Salut la famille. Salut. Juju, c'est quoi toi l'odeur qui te dégoûte? Ah, moi, c'est l'odeur de friture. Je ne peux pas, quand j'arrive dans une friterie ou même à la maison, quand je fais des frites, je ne peux pas. Et Justine, j'allais te dire, c'est la merde, parce que niveau friture, quand même, dans le Nord, vous aimez bien ça, ouais, la friture. Ouais, à côté de la Belgique, ouais, on n'a pas trop le choix non plus. Ah merde, hein. Et donc, mais alors, t'aimes pas l'odeur, mais t'en manges quand même ou pas? Ah ouais, j'en mange, ouais, mais dès que j'arrive dans une friterie ou même à la maison, j'ouvre tout. Hein, ouais. Et le problème, tu remarqueras, c'est que quand tu fais des frites chez toi, les autres le savent quoi qu'il arrive, puisque ça t'imprègne les fringues. Ah, oui. Exactement. Ouais, c'est horrible. Moi, j'ai des potes qui ont bossé au McDo, c'est horrible. C'est-à-dire que tu sors de chez McDo, tu sens encore le McDo. T'as l'impression d'aller au Cinoche avec un Big Mac. C'est horrible. Ouais, je peux dire que quand tu fais un régime... Elle reste longtemps, l'odeur. Hein. C'est ça. Et je lui ai mordu le bras un jour. Je t'embrasse, ma Juju. Passe une belle journée. C'est ma mère qui supporte pas l'idée du McDo. J'ai failli la rogner. Le jour où elle m'a dit ça, j'ai failli changer de mère. Non, c'est vrai. Elle peut pas rentrer dans un McDo. Ah bon? Parce qu'elle supporte pas l'odeur? Non. Quand j'étais petit, elle me filait le billet. J'allais acheter mon menu Big Mac tout seul et tout. Je le mangeais tout seul. Voilà. T'as gardé cette habitude. Ouais. Chainsmokers, ça arrive sur Fun Radio. Petite pensée pour Nicole Pervers, qui visiblement a accompagné Vaché à la maternité. D'où nous écoute peut-être Vaché. On essaiera de l'avoir au téléphone quand même, Vaché, avant 9h du matin, pour parler donc du nouveau venu dans l'équipe. De Georges. Est-ce qu'on dit Georges en brésilien d'ailleurs? Ou ça se dit Jorge? Jorge, je sais pas. Jorge, on verra avec lui. On va revenir après les infos. C'est Fun Radio, c'est vendredi. À tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. À la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'Orias en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. Le prix inratable chez U cette semaine, c'est 5 pains au chocolat et 5 croissants sélection U au beurre plus 5 chaussons aux pommes U à 3,50€ seulement. Bien. 3,50€ les 15 viennoiseries. Inratable. Produit transformé en France, 1,025 kg, soit 3,41€ le kilo. C'est jusqu'à samedi au rayon pain pâtisserie viennoiserie dans les Hyper U et Super U participants équipés d'un point de cuisson. Liste sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Pour votre santé, bougez plus. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Pour soutenir ce combat, pour soutenir leur rage de vaincre, avec Fun Radio, soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus préappel. C'est déjà l'automne, c'est déjà l'hiver. Chaussures et accessoires Nero Giardi, le made in Italy. Fun Radio présente Bruno dans ton club. Bruno au BPM Lounge à Belleville, entre Mâcon et Lyon. Ce soir, venez faire la teuf sur le meilleur du son dance floor. Salut, c'est Bruno. Je vous donne rendez-vous ce soir pour une soirée de malade avec Elliot. Et regarde ce que j'ai appris à faire avec les platines, Bruno. Arrête ça tout de suite, Elliot. Oh, je trouvais ça pas mal. Fun. Bruno dans ton club. Au BPM Lounge à Belleville, entre Mâcon et Lyon. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Et je compte sur vous, hein, à ce soir. Plus d'infos sur funradio.fr. Bougez pas. Bruno. Twitter, hashtag Bruno Fun Radio, les amis, si vous avez des messages à faire passer à l'équipe et si vous voulez qu'on les lise, bah c'est par là que ça passe. Ça marche également avec Instagram et puis il y a le Snapchat de l'émission, le compte, c'est Bruno Fun Radio. Fun Radio, le son Fla. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 7 octobre. Deux minutes d'info là tout de suite avec Maxime Poulaouet qui d'abord, bonjour Maxime. Bonjour Bruno. Va nous faire trois jeux de mots pourris avec le avec nom de la chanteuse Tal. Oui. Alors déjà j'en ai une, elle est vraiment monumentale. Ok. Oui, c'est bien, c'est bien. Un point. Hola, qui est Tal. Ah, oh, de ouais. Deux. Et je peux aller me toucher les parties génitales. Oui. Poula, Poula, Poula. Maxime Poulaouet pour les infos. Maintenant, tu allez, peux y un aller. Peu d'actu quand même. Hein. La météo, ce sera le retour d'un temps nuageux dans le nord entre la Bretagne, la région parisienne et l'Alsace. Dans le sud, du soleil et températures comprises entre 6 à 9 degrés ce matin. Dans l'après-midi, on attend 15 à Lille et Cherbourg, 16 à Paris, Clermont et La Rochelle, 17 à Bordeaux, 20 à Tarbes, 21 pour Nîmes. Le bilan s'alourdit d'heure en heure dans les Caraïbes. L'ouragan Matthew a fait plus de 300 morts hier en Haïti, pays le plus pauvre de la zone. Aux États-Unis, plus de 2 millions d'Américains ont été évacués hier sur le littoral atlantique où des vents violents étaient déjà enregistrés. L'ouragan approche de la Floride, c'est le plus puissant depuis des décennies. 33 nouveaux établissements pénitentiaires, c'est la volonté du Premier ministre. Manuel Valls était en déplacement à Agen hier et a réaffirmé sa volonté d'agir contre la surpopulation carcérale. Il a annoncé la création de 33 établissements pénitentiaires avec 9 agglomérations concernées en priorité. Le foot, la France va poursuivre ce soir sa route vers le Mondial 2018. Deuxième match de qualification contre la Bulgarie, c'est à 20h45 au Stade de France. Les Bleus, auteurs d'un début de campagne frustrant contre la Biélorussie 0-0, n'auront d'autre choix que de renouer avec la victoire. Et puis le Pasteur Don, ça continue. Fun Radio soutient la 10e édition. Leur but pour les chercheurs, c'est de vaincre les maladies infectieuses, les maladies du cerveau. Vous pouvez faire un don dès maintenant en appelant le 3620. Bon réveil sur Fun. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Bonjour la famille, bon réveil. Aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est le 7 octobre. Le son de fun. Pour la demi-heure qui arrive, c'est Chainsmokers là dans quelques secondes. Chainsmokers, le dernier, vous le retrouvez sur la compile. Bruno dans la radio, dans les bacs. Nicole Pervers. La parodie de Soprano. Et le dernier, Feder. On va le passer ça ce soir, Feder. Ah oui, oui, oui. Soirée Bruno dans ton club, ce soir avec Elliot. On vous donne rendez-vous entre Mâcon et Lyon, c'est à Belleville. Exactement. Dans un club qui s'appelle le BPM Café Lounge. Yeah. Wow. Et on va être là-bas avec Elliot. Et ça commence de bonne heure ce soir, je crois, le 7. Minuit apparemment. Ouais, minuit. Voilà. Donc minuit. Si vous êtes dans le coin, voilà, entre Mâcon et Lyon, à Belleville, on sera là-bas ce soir avec voilà. Elliot. Et mon bref, c'est le chiffre du jour. Chaque jour, on est 33% à avoir le même problème. Un tiers d'entre nous, quand même, hein, c'est beaucoup. Et je dis, d'après vous, c'est quoi ? Quel est ce problème ? Sébastien est à Agen, il a appelé le 3228. Bah déjà, merci d'avoir pris un peu de temps. Bonjour Sébastien. Coucou la famille. Coucou. Salut. 33% des gens ont le même problème, tous les jours. D'après toi, c'est quoi ? De ne pas se réveiller le matin. Oula, et puis alors tu me le fais avec la voix du mec qui a oublié de se réveiller. Non. Tu fais quoi comme taf ? Moi, je suis agent d'entretien. Agent d'entretien. Ça t'est déjà arrivé, la peine de réveil ? Ouais. C'est compliqué hein, quand c'est arrivé. Moi, ouais. Je crois, franchement, honnêtement, depuis qu'on a fait une radio, ça m'est jamais arrivé. Non, peut-être une fois. Oui, mais je suis pas arrivé en retard à l'antenne. Ça m'est arrivé de me réveiller à la bourre, mais je suis arrivé à l'heure à l'antenne. Moi aussi. Moi, j'ai fait une fois 6h02. Le flash, il venait de se terminer. Est-ce qu'on peut demander à Meryl Du web Je t'embrasse, Sébastien. Meryl du web, est-ce que ça t'est arrivé depuis que tu travailles dans cette équipe Jamais, je vous assure. Jamais depuis hier. La c'est la record woman de notre équipe. Ouais. Franchement, en 10 ans, on n'a jamais vu ça. Quoi. Ouais. En 10 ans, Meryl, elle a fait plus en un an et demi que toute l'équipe unie en 10 ans. Mais non, parfois, il vaut mieux arriver à l'émission du lendemain. Quoi. Elle arrive à 9h. Ah, bah c'est ça. Elle nous a fait un 9h moins le quart. Genre, voilà. En mode oups. Ouais, elle est pas mal. Je te jure. T'as un bon patron. Je sais pas qui c'est. Mais... Ça, c'est clair. Johanna, à Champs-sur-Marne. Salut, Johanna. Bonjour, Bruno. Bonjour, toute la famille. Salut, Coucou. Ma chérie. 19 ans, Jo. Dis-moi, ma chérie, c'est quoi, d'après toi, le truc, le problème qu'on a à 33% tous les jours ? Bah, plus de PQ dans les toilettes. Ah ouais. Ça arrive. Non, ça, moi, je prévois. Moi, j'ai toujours de l'avance aussi. Ouais, toujours. Un paquet, au moins, d'avance. Toujours prévoir. Vous faites comment, alors ? De quoi ? Si vous en avez plus. Non, on n'en a jamais plus, en fait. Ça n'existe jamais. Est-ce que vous voulez mes techniques ? Non, merci. Non, d'accord. Pas à 6h37, pas à l'heure du petit-déj. Johanna, je te fais des bisous, ma belle. Merci, au revoir. Bisous. 33%. Alors c'est quoi ? On est 33% à avoir notre sous-vêtement qui nous rentre dans les fesses. Ah ! c'est vrai, n'empêche. C'est toujours gênant. Tu descends souvent ton caleçon la journée, Bruno, non ? Non. Ah ouais ? Tu fais jamais ça ? Genre moi, parfois, je le fais dans le bureau. Genre, je baisse mon futal, hop, je mets ma main et je baisse mon caleçon comme ça. Hop, c'est... Ah, parce qu'il remonte dans le... Non, mais ça dépend. Ah, mais c'est tellement glamour. Mais alors, je crois que c'est quand tu as des fesses qui dépassent un peu du sous-vêtement ou si t'as un peu grossi. Parce que pour le coup, moi, je sais qu'après avoir accouché, ça m'arrivait. Maintenant, ça m'arrive plus parce que j'ai récupéré mon poids, tu vois. Ah ben moi j'ai connu des filles qui devaient faire une échographie pour retrouver la petite culotte, on va pas se mentir. 33%, ouais, c'est le chiffre du jour. Et vous dites, mais il sert pas grand chose ce chiffre du jour. Si, il va vous servir tout à l'heure à la machine à café, quand vous allez arriver au bureau, dire, hey, t'as entendu le chiffre du jour ? 33% c'est quoi d'après toi ? Et vous avez un sujet de discussion. Exactement. Merci Bruno. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Smoker sur Fun Radio. 6h43, c'est Fun Radio. Est-ce qu'on fait le tirage au sort maintenant? Je me dis que j'en ai pas reparlé depuis 6h15 du matin. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont réveillés à 6h30, qui ont raté le délire pour le Mac. Ah oui. Est-ce qu'on ferait pas une petite 5 minutes de rajout? Allez, c'est vendredi, soyons fous. Oui, c'est vendredi. Tu sais quoi? Allez, faisons ça. On a un MacBook Pro à vous offrir. On a décidé de l'offrir avant 7h du matin. Vous avez 5 minutes. D'accord, 5 minutes pour envoyer Bruno par SMS, soit au 74 900, soit au 63 22 si vous êtes en Belgique. Et je vous appelle dans 5 minutes. On rajoute 5 minutes. Et là, vous vous dites, mais oui, mais s'il y a des gens qui ont envoyé des SMS avant, on s'en fout. Parce que le tirage au sort, c'est un ordinateur qui le fait, il choisit au hasard, et il peut prendre un numéro qui est tombé il y a 30 secondes ou qui est tombé il y a 29 minutes. Il s'en fout, l'ordinateur, il est bébête. Mais oui. Vous voulez gagner cet ordinateur, bah, vous faites ça. Bruno par SMS, 74 900, il n'est pas trop tard. MacBook Retina 13 pouces, valeur 2000 euros. Je suis un chien, j'ai chaud. Nicole Perverse arrive sur Fun Radio. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. Et puis on aura au téléphone Julien. Bonjour Julien. Salut Bruno, salut la famille. Salut. 23 ans à Bourgoin-Jallieu, on est dans le 38, département de l'Isère. Tu fais quoi dans la vie, mon pote? Je suis agent immobilier. Agent immobilier, d'accord. T'as déjà travaillé avec Stéphane Plaza ou pas? Pas encore. Bientôt, hein. T'as pas fait l'émission là, en quotidienne ou ah c'est oui, recherche appartement ou maison. Ah non. Chasseur d'appartement. Chasseur d'appart, ouais. C'est ça, c'est des, ouais, c'est ça. C'est des agents immobiliers qui jouent dedans. C'est ça, ouais. Julien, il paraît que tu as eu une révélation. Ça s'est passé quand cette révélation? Hier matin. Il a eu une révélation dans son bain. Et tu sais quoi, Julien? Parce que je sais de quoi tu vas nous parler. Je suis sûr que grâce à toi, on va lancer un hashtag qui sera en top tweet France dans moins d'une demi-heure. Parce que le sujet dont tu vas nous parler, je suis sûr qu'il touche tout le monde. C'est vrai? Ah, j'en suis sûr et certain. On te retrouve en direct là sur Fun Radio, juste après ça. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Fun, let me love you. Fun Radio. Le son Dance Floor. Dance Floor. This is love for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. The kisses are the only doubt. I listen out for your lies. Da, da, da. Sur Fun Radio. Merci d'écouter Fun Radio. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le 7 octobre. Nicole Perva arrive dans quelques secondes. Le nouveau Feder. J'espère qu'on a le petit jingle que m'a enregistré Feder quand il est venu dans l'émission. Où j'avais dit désormais à chaque fois que je passerai Feder, j'enverrai le petit jingle de Feder. Je dis ça, je dis rien. Je mets aucune pression à mon équipe, mais vous voyez ce qui se prépare. Après, t'as le temps d'attendre genre 5-10 minutes. Sound of Legend Blue, ça arrive également dans le quart d'heure. 7h10, je vais payer de la facture. 7h du matin, il y aura du Vacher Time. Et on est quoi sur le Vacher Time de ce matin? Puisque Vacher n'est pas là, mais il avait pris de l'avance. Alors, non, on est sur une rediffusion. Voilà, Vacher n'est pas là, mais donc... Mais alors, c'est un Vacher Time que là, vous n'avez probablement en moment, pas entendu. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que je pars plutôt de la radio. Parce que, voilà, en ce moment, j'ai beaucoup de travail en plus de la radio, je fais du théâtre. Et donc, maintenant que je suis plus là, c'est quoi? C'est le chat est parti, les souris dansent? Non, c'est pas ça du tout. C'est que les derniers jours étaient très compliqués pour Vacher. Sa femme était vraiment pas bien à la veille de l'accouchement et les jours qui ont devancé l'accouchement. Non mais j'ai l'impression qu'on est dans le bureau du proviseur dans un lycée. Il n'a pas pu prendre d'avance. Voilà, c'est aussi simple que ça. En revanche, objection. Le Vacher Time qu'on va vous rediffuser ce matin, il y a peu de chances que vous l'ayez entendu. Il a été diffusé une seule fois il y a très longtemps et en plus il est très drôle. Voilà, elle te le vend bien, là, t'as vu, hein? Elle vous te fait passer ça. Vous me prenez bien pour le dernier des connards, hein, je vous le dis. Hein. Alors j'écoute. Coucou Jeannot. Ah oh, bah si, je m'en souviens, grave. Genre... Non, ouais. Celui-ci, je veux pas l'entendre, vous m'en trouvez un autre. Ouais, je suis d'accord, Bruno, mais je me souviens bien du coucou ouais, Jeannot. Ouais, c'est quoi, même là? Coucou. Ah bah voilà. Ouais, déjà, sans le Jeannot, déjà, me prenez pas pour un con. Bon, Julianne. Oui.

suis un chien. 6h54, c'est Fun Radio. Vous avez envoyé Bruno par SMS au 74-900, les amis. On vous appelle maintenant en direct. On a fait le tirage au sort là, il y a à peine une minute. On vous appelle maintenant, vous décrochez, vous gagnez votre MacBook Pro. J'avais dit qu'on le filerait avant 7h du matin. Quand je dis, je fais. J'essaye en tout cas. MacBook Pro Retina, il vaut 2000 euros. On est sur de la team décroche. Allô ? Allô ? Bruno ? C'est le grand-père des Simpsons. Ah non, comment ça va ? C'est le festival des voix cheloues hein, ce matin. Je suis malade. Comment tu t'appelles ? Aurélien. Aurélien, t'habites où ? T'as quel âge ? J'ai 37 ans et j'habite à Argenteuil. Très bien. Et bah, écoute, j'y crois pas. Et bah, tu peux. Tu gagnes un MacBook Pro. MacBook Pro Retina d'une valeur de 2000 euros, c'est cadeau, c'est pour toi, mon pote. Oh, c'est génial, oh putain, j'y crois pas. Mais attends, c'est quoi, t'as un rhume, on est d'accord, t'es pris au. Ouais, non, ouais, c'est ça. J'ai une bronchite et j'ai très mal dormi. J'écoutais la radio, j'ai dit allez, je vais tester. Et comme quoi, ça marche. Ah, c'est clair. Est-ce que t'as eu un standardiste qui t'a appelé avant en disant on va vous appeler préparé? Et ben voilà. Et ben tu sais quoi? C'est ça, Bruno, dans la radio, c'est de la vraie radio. Et puis c'est tout. C'est génial, merci. Tu raccroches pas, par contre, du coup, c'est à l'ancienne. Félicitations à Vaché, surtout. Félicitations à Vaché. Ah, ça s'écoute en couple, la radio, donc. Oui, ça y est. Allez, je t'en mets un petit coup de jaja. Un coup de rouge, brilleux. Maintenant que vous êtes réveillé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, le petit câlin du matin. Là, c'est un peu chaud, là. D'accord. Bon, on vous embrasse tous les deux. Ouais, merci. Tu raccroches pas. Ciao, ciao. Tu l'imagines faire l'amour, lui ? Oh, vas-y, chérie, vas-y. Il est enrhumé, ça arrive. Ça arrive d'être malade, mais on a beaucoup d'auditeurs malades ce matin. Attends de rien, regarde-moi mon nez. Je peux dire que quand il est bouché, c'est les grottes de Lascaux. Hein, le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Après une triple occlusion intestinale, il découvre qu'il faut ouvrir les huîtres avant de les manger. Justice, Dominique Strauss-Kahn refuse de payer 75 000 euros réclamés par le fisc luxembourgeois depuis la faillite de la société LSK dans laquelle il était associé. Peut-être que si la justice lui demande de payer en liquide, ça le motivera plus. Musique après Maître Gims l'année dernière, c'est Zaz qui a été choisi pour chanter avant la finale de la Coupe de la Ligue de football au parc OL à Lyon le samedi 1er avril. Bon allez, avec un peu de chance, c'est un poisson d'avril, on y croit. Malgré le braquage qu'elle a subi, les proches de Kim Kardashian affirment qu'elle reviendra à Paris car Kim aime Paris. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, moi aussi je l'aime bien Kim, du coup j'y retourne. Où ça ? Dans son cul ! Ouais, en même temps ma question était bête. Hein. Et pour finir, si vous aimez les oiseaux et la charcuterie, découvrez l'hirondelle de saucisson. Ah, l'hirondelle dit saucisson. Oui. Ah, voilà. Bien sûr. À tout à l'heure. Les fameuses rondelles dit saucisson. L'hirondelle. Un petit youyou pour finir, peut-être, Karina. Un youyou ? Ah, oui, bien sûr. Voilà, très bien. Ça va bien. Avec l'hirondelle de saucisson, je trouve ça pas mal. Mais tes parents n'ont pas voulu te renier à un moment ? Ah, bah si, c'est fait, là, depuis longtemps. Sound of Legend, ça arrive, c'est Blue, et puis on vous l'a promis, c'est le chouchou de Christina, il passera le Feder. Lordly. Aujourd'hui c'est vendredi, on a le bootleg du vendredi. Je pense que je vais peut-être le mettre avant 7h30. Un truc, mais comment vous dire? Imagine que tu te réveilles, d'accord, et c'est Teddy Riner qui te sort du lit et qui te fait une planchette japonaise. C'est ça le bootleg de ce matin. Écoute quand ça part. Les Red Hot, Z et la Swedish House Mafia. Ouais, j'en ai rien à foutre. C'est Fun Radio, on est en pleine forme, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. David Guetta. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Le prix inratable chez U cette semaine, c'est 5 pains au chocolat et 5 croissants sélection U au beurre plus 5 chaussons aux pommes U à 3,50€ seulement. Bien. 3,50€ les 15 viennoiseries. Inratable. Produit transformé en France, 1,025€, soit 3,41€ le kilo. C'est jusqu'à samedi au rayon pain pâtisserie viennoiserie dans les hyper U et super U participants équipés d'un point de cuisson. Liste sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Événement AB1. Le gaming débarque sur AB1 avec une toute nouvelle case. 100% e-sport, 100% gaming. Trois émissions consacrées à trois jeux et présentées par des joueurs pros. Spécial Hearthstone Heroes of Warcraft avec le champion de France 2015. Spécial Street Fighter V et spécial Overwatch. La nouvelle case e-sport avec les plus grands spécialistes de Hearthstone, Street Fighter V et Overwatch, c'est tous les vendredis à 23h15 et c'est sur AB1. AB1 est disponible chez tous les opérateurs. Bougez pas, Bruno. Tout à l'heure, 7h10 en direct sur Fun Radio, les amis. Je vais payer de la facture et c'est sûrement la vôtre ce matin qui va être payée. Vous avez une facture, eh bien vous m'envoyez facture@funradio.fr. On vous appelle en direct là dans moins d'un quart d'heure. Fun Radio, le son Flav. Les infos de ce vendredi 7 octobre avec Poulo. Maxime Poulawek, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Allez, la météo de ce vendredi, retour d'un temps sec dans le sud avec des éclaircies, le soleil qui se montrera partout sauf dans le nord entre la Bretagne, la région parisienne, les Hauts-de-France et les frontières de l'Est. Il fera encore plus froid aujourd'hui, 6 à 9 degrés ce matin en moyenne, dans l'après-midi prévoyez 15 à 17 jusqu'à 21 en Méditerranée. Plus de 300 morts, c'est le dernier bilan en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. Certaines villes sont totalement détruites et on craint le retour du choléra dans ce pays le plus pauvre des Caraïbes. L'ouragan doit toucher dans les prochaines heures les côtes du sud-est des États-Unis. 2 millions d'Américains ont été évacués. Manuel Valls veut agir vite pour changer les prisons. Le Premier ministre était en déplacement à Agen. Hier, il a affirmé vouloir agir rapidement contre la surpopulation carcérale. 33 nouveaux établissements pénitentiaires vont être créés avec 9 agglomérations concernées en priorité, ainsi qu'un livre blanc pour les prisons avant mars 2017. Le plan gouvernemental prévoit également la construction de 28 quartiers de préparation à la sortie. Il y a du football ce soir. Les Bleus retrouveront le Stade de France 3 mois après la finale perdue de l'Euro France-Bulgarie à 20h45. Deuxième match des qualifications pour le Mondial 2018. Griezmann, Payet et Gamero devaient être alignés en pointe. Les rugbymen du Racing 92 dans la tourmente. Selon l'équipe, des traces de corticoïdes ont été retrouvées dans les analyses de 3 joueurs. Des analyses effectuées juste après la finale du dernier top 14 remporté face à Toulon. Il s'agit de Dan Carter, Joe Rokosoko et Juan Imhoff. La Fédération française de rugby a 40 jours pour enquêter et prendre une décision. Enfin, Sida, cancer, Parkinson, la 10e édition du Pasteur Don se poursuit pour 3 jours. Fun Radio soutient l'événement. 1500 chercheurs mobilisés au quotidien. Vous pouvez faire un don dès maintenant au 3620. Il est 7h03. Bon réveil. Fun Radio. C'est le 7 octobre aujourd'hui, vous écoutez Fun Radio, il est 7h03. Bonjour. Bonjour. Oh putain, c'est vendredi. Ouais les amis, c'est vendredi, c'est le 7 octobre, on est en pleine forme car c'est un vendredi qui s'annonce festif. Et pourquoi s'annonce-t-il festif ce vendredi? Car nous avons appris la nouvelle. Oh, la bonne nouvelle est arrivée hier. Hier, en milieu d'après-midi, nous avons tous chanté « Il est né, le divin enfant ». Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est quoi ce alléluia? J'essaie de faire un alléluia brésilien, quoi. Tu vois. Les amis, une association, et c'est sûrement ce qui se fait de plus beau, entre notre bonne vieille France, franchouillarde, celle qui sent bon le sifflard, le vin rouge de Bordeaux dont est issu Vacher et le Brésil. Bonjour Bruno, c'est moi le Brésilien. Carioca. Le football. Griada. Les histoires des femmes. Carapicho. Et donc voilà, il y a l'enfant de Vaché et de Mariana qui est né hier. On est fiers. La nouvelle, ouais, ça y est, un nouveau bébé Bruno dans la radio, ouais. Ça fait plaisir. C'est le troisième, c'est le quatrième. Le quatrième. Le quatrième. Il y a mon fils Anatole, il y a Romy ta fille, il y a Paloma la fille de Karina et donc Georges. Et il y a Thelma. Et il y a Thelma. Il y en a cinq. Il y en a cinq. J'ai oublié la fille de Mika, ça y est, je dois m'en vouloir. Ah oui, oui. Y a 5 enfants, putain, on n'arrête pas dans l'équipe. Bah, on est bien là pour faire une autre équipe. Alors, il y en a beaucoup qui demandent sur Twitter à quand mon enfant, moi, Elliot. Eh bien, sachez que pas pour tout de suite. Non, c'est pas du tout pour tout de suite. J'ai encore de 2 ans où je vais sortir en boîte, boire des coups et rien foutre le dimanche. Hein. Vraiment, ça t'as va. Bien raison. J'ai le temps encore. En tout cas, voilà, il s'appelle Georges avec un J, car c'est donc un prénom à la fois brésilien et français, comme nous avait dit Vaché. Mais j'aimerais vraiment qu'on arrive à l'avoir ce matin avant 9h15. On va essayer. Je pense qu'il doit dormir, mais après, on respecte le fait qu'il soit papa. Il a quelques jours devant lui pour profiter. Mais enfin, bon, on aimerait quand même partager ça avec lui. Quoi, il, tu vois, il va revenir un jour quand même. Ou... Et surtout, c'est la question, lundi. C'est est-ce qu'il va payer un coup à l'équipe? Est-ce que son côté radin va disparaître peut-être exceptionnellement pour la naissance de son enfant? C'est vrai que ça se fait. Normalement, t'as du champagne. Bah, une bouteille de shampoing pour les copains. Quoi. Pourquoi faire? Pour trinquer. Bah, c'est la moindre des choses. Ça serait plutôt à nous de lui offrir le champagne. Une bouteille de shampoing? Ouais, le champagne, j'appelle ça du shampoing. Ah, ouais. Excuse-moi. Bon, et tiens, puisqu'on parle de Vaché. Bruno. Time. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Alors Vaché a une excuse, il a eu un enfant hier. Donc c'est un best-of de Vaché Time ce matin. Que la personne visiblement n'avait pas pris d'avance. Non. Super. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Allez, seuil de tolérance. J'espère qu'on en aura un tout neuf lundi. C'était quoi? C'est mal barré. Vaché Time, c'était lequel, Christina? Alors là, en fait, il a appelé quelqu'un, il voulait souhaiter l'anniversaire à Jeannot, d'accord? Mais il n'a pas appelé la bonne personne. Il croyait que c'était Jeannot qui l'appelle. Et il insiste beaucoup. Et tu disais que je m'en souvenais pas? Je m'en souviens comme si je l'avais écouté il y a 5 minutes. Mais je le remets, tant pis. Allô? Bon anniversaire Jeannot! C'est Francis! Vous avez dû vous tromper le numéro de téléphone là. Ah! Allô? Coucou Jeannot! Oh, vous faites exprès ou pas? Écoute, c'est pour toi! Non. Excusez-moi monsieur, j'ai encore dû me tromper de numéro en fait, parce que vu que j'ai un peu bu du champagne pour la nif de Jeannot. Mais je m'en fous que vous ayez bu des coups, moi j'ai autre chose à foutre, c'est boulot là. C'est bon, j'arrête de vous embêter, je vais faire le bon numéro. Non mais j'ai pas ça à foutre, je m'en fous de votre vie. Vous êtes con ou vous le faites exprès? Il souhaite le bon anniversaire à Jeannot. Il devait être en train de boire des canons. Allô? Allô, c'est Jeannot, tu as essayé de m'appeler? Allô? Vous êtes Jeannot? Oui, c'est Francis, c'est ça? Tu vas me souhaiter mon anniversaire? Alors, je vous explique, Francis, ça fait 5 minutes qu'il essaye de m'appeler. Donc, si vous pouvez appeler Francis, ça m'arrangerait, parce que là, il est complètement bourré, il n'est pas capable de faire le bon numéro. Donc, je commence sérieusement à être agacé. Ah d'accord, il y a une espèce de confusion dans les identités de chacun. Voilà. Ben, je te remercie, Francis, pour ton appel, et merci pour les fleurs, hein, t'es gentil, mon Francis. Je suis pas Francis. Allô? Ouais, Jeannot, gâteau à la fraise ou gâteau à la pomme pour ce soir? Arrêtez, oh! Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Allô? Oui, bonjour monsieur Vaché, gendarmerie nationale. Mm-hmm. Je vous appelle parce que vous êtes harcelé par des individus sur votre téléphone, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord, on va régler le problème, monsieur. Considérez que c'est fait. Ben, j'espère. Mais avant toute chose, de la part de toute la gendarmerie, monsieur Jeannot. Putain, mais il est con, il le fait exprès. Les amis, on a lancé tout à l'heure le hashtag « Tu sais que tu as grossi quand ?» qui est en train de cartonner là sur Twitter. On peut en parler avec vous au 3228. Il y en a plein qui sont en train d'arriver qui me font marrer. Tu sais que t'as grossi quand tu casses une latte de ton lit quand tu vas te coucher. C'est vrai que ça marche. Vous en avez 3228. On fait de la radio ensemble. Pour l'instant, c'est Blue sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et le vendredi... Oh putain, c'est vendredi! On fait n'importe quoi. On a lancé un délire, c'était le bootleg du vendredi. Je vais le mettre dans 3 minutes. Ok. Il est énorme, ce Alors, matin. attention. Réveille. Non, il faut quand même mettre des procédures d'urgence en marche. Ah oui, allez-y, c'est nécessaire. Un peu comme pour les attractions un peu violentes, genre Space Mountain. Si vous êtes une femme enceinte, si vous avez des problèmes cardiaques, oui. Si vous avez des problèmes au niveau des vertèbres cervicales notamment, je vous déconseille de monter dans l'attraction Fun Radio qu'on va vous balancer dans 5 minutes. Parce que on est sur de la violence, voilà. C'est-à-dire que les gens qui vont découvrir Fun Radio sur le morceau carré vont se dire, les gars, c'est des fous, ils ont pété un plomb. Dans 5 minutes sur Fun Radio, DJ From Mars. Ils ont pris la Swedish House Mafia. Ok. Le son de guitare que vous entendez derrière, c'est les Red Hot Chili Peppers. Le beat qui monte, c'est Zedd. Et alors, au moment où ça part, là, je vous dis, même si vous êtes en train de prendre votre petit-déj, arrêtez, parce qu'au moment où ça part... Tu la sens la témon ou pas? Oh là. Là t'as la témon. T'as la témon. T'as la témon. Et prends-toi ça dans la tête. Ouh. Et bon, on en a rien à foutre, on va mettre ça ce matin. Allez, pour l'instant, je paye de la facture. I pay the bills. Bruno. Allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h10, 8h10, en direct sur Fun Radio, je suis le seul animateur radio de France qui paye les factures. Mais on paye les factures que l'on reçoit, donc pour ça il faut les envoyer par courrier à Fun Radio 20 rue Bayard 75 008 Paris ou bien par mail facture@funradio.fr. Oui, quand vous êtes au bout du bout, quand tout s'arrête, quand même le petit bonhomme vert de CTLM vous rit au nez quand vous lui demandez de l'argent... Quand vos potes ne répondent plus, quand vos parents vous ont renié, il reste une lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, c'est Bruno dans la radio. Vous envoyez vos factures. On fait même depuis maintenant un peu plus d'un an, parce que je me suis rendu compte que ça vous enlevait une belle épine du pied. On fait les découvertes. Ah oui, bah, bien sûr. Vous avez un découvert, vous envoyez la copie du découvert et puis hop, on vous le recouvre. Un petit coup d'ardoise magique et on efface tout ça. On part à Héreux. Héreux, c'est dans le 38. Isère. Allô? Alexia? Oui. Bonjour Alexia. Bonjour. Alexia, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno dans la radio. Ouais. Ouais. Alexia, j'entends des petits bruits derrière toi, ne me dis pas, tu es dans la salle de bain, t'es en train de te maquiller, t'es en train de te préparer, t'es un peu à la bourre. Pas du tout, je suis au boulot. Et à 7h15 déjà, tu fais quoi dans la vie? Je suis ANP, je travaille avec les personnes polyhandicapées. D'accord, ah bah oui, donc forcément ça commence très tôt le matin. C'est ça. Et tu fais ça à domicile ou dans un centre spécialisé? Non, dans un centre. Dans un centre spécialisé, d'accord. Alexia, tu m'as envoyé une facture de 239,62 €. Qu'est-ce que c'est? C'est des achats chez Sephora pour des produits de beauté. Ah, très très bien, très bonne facture. Et ben là, et 239,62 €, on est sur du... C'est les maçons du cœur, on est sur du ravalement de façade là. Oui, quand même. Mais en vrai, le problème c'est que quand tu vas chez Sephora, t'as souvent une vendeuse très sympa en plus qui te prend en charge et qui te dit, mais là, est-ce que vous avez aussi essayé ce produit? Est-ce que vous avez essayé ce produit? Puis ils te font tester des trucs, ils te maquillent, donc du coup t'as envie d'acheter 1500 trucs. C'est moi, exactement ça. Bah ouais. Tu sais que je sais pas si tu es déjà venu sur Paris, Alexia. Voilà, moi je suis pas parisien, mais c'est vrai que quand t'arrives ici, il y a des trucs où tu vas. Il y a un gigantesque magasin de parfums à Paris sur les Champs-Élysées, c'est Sephora. Ouais. Ah oui, oui. Et alors quand tu rentres, il y a à peu près un mélange de 14 852 parfums. Oui. Et je vous jure que c'est vrai. La seule fois de ma vie où j'y suis allé, en sortant. Ça m'a retourné le bide. Ah, bon ah mais oui, le mélange de toutes les odeurs, je te jure, ça m'a ruiné le bide. Alexia, c'est cadeau, c'est pour moi 239,62 €. On te fait le chèque, ça part aujourd'hui, d'accord? Merci, c'est super gentil, merci beaucoup. Je te fais des bisous. Gros bisous à vous tous. Ciao, ciao. Oh, on a l'air toute contente, toute émue. Et toi qui es métrosexuel, Bruno, tu mêles la crème anti-ride? Oui. C'est vrai? Ouais. Mais t'es pas vieux pourtant. Bah, non, si, mais... ça commence à 25 ans la crème anti-ride. C'est pas de la crème anti-ride, c'est une petite crème de soir. Crème de jour. Quoi. Non, alors j'ai une crème de nuit aussi. Oh, une crème de nuit. Ah, c'est très bien, faut avoir deux crèmes différentes. Oh, il est très mignon. Important. Ah, bah, oui, écoute. Oui, tu mets du mascara. Je suis un homme de 2016 et puis c'est tout. Elliot, tu sais qu'il y a des mecs qui mettent du mascara, mais du mascara transparent. Mais du vernis à ongles. Et là, je suis dans un nouveau délire. Je me demande si je vais pas me faire épiler les sourcils aussi. Bien sûr. Et la jupe de ta femme, tu peux l'enlever, s'il te plaît. Alors, je rentre pas encore. Mais tu sais quoi? J'y pense. On a lancé le hashtag ce matin. Tu sais que tu as grossi quand? Vous complotez ça sur Twitter. Vous le complétez, même, c'est bien. Et puis au 3228. On en parle, on va faire de la radio ensemble. Là. On va revenir dans moins de 5 minutes et le bootleg du vendredi arrive. Vous partez faire la fête avec DJ Snake à Las Vegas. C'est le double fun sur Fun Radio. T'as entendu quoi sur Fun Radio Loïc? Je t'écoute. Eh ben le double fun de DJ Snake avec Let Me Love You pour la première et Talk pour la deuxième. Loïc, tu pars à Las Vegas. Bien joué. Voilà. Merci Fun Radio. Merci! Eh, c'est beau ça! C'est le double fun! Sur Fun Radio. 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. 3000 euros? C'est moins. 2000 euros? Moins. Arrêtez de jouer. Pendant le mois cash-cash, votre cuisine est là à partir de 1690 euros. Cash! Cuisine est là! Des cuisines qui donnent envie. Prix pour le modèle Vega selon implantation type. Voir conditions en magasin. Le prix inratable chez U cette semaine, c'est 5 pains au chocolat et 5 croissants sélection U au beurre plus 5 chaussons aux pommes U à 3,50€ seulement. Bien. 3,50€ les 15 viennoiseries. Inratable. Produit transformé en France, 1,025€, soit 3,41€ le kilo. C'est jusqu'à samedi au rayon pain pâtisserie viennoiserie dans les Hyper U et Super U participants équipés d'un point de cuisson. Liste sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Pour votre santé, évitez de grignoter. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi cheval qui rit à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Nous sommes les prix jamais vus de chez Castorama. Moi et mes copains, on arrive en force dans les rayons. Pas vrai les copains? Oui. Et oui, pendant 15 jours seulement, c'est la chasse aux prix chez Castorama. Des bonnes affaires, des quantités limitées, des prix barrés, des centaines d'offres à saisir. Vite, foncez chez Castorama pour profiter de nos prix jamais vus. C'est seulement jusqu'au 17 octobre et vous savez ce qu'on dit. Premier arrivé, premier servi. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste et horaires des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio! Il a la classe! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. 7h19, bon réveil la famille, vous écoutez Fun Radio, c'est peut-être votre première fois ce matin. On vous en a parlé et vous vous êtes dit, tiens, je vais aller voir cette radio que les gens écoutent dans mon collège, dans mon lycée, dans ma fac, au bureau, dans mon usine. Les gens me disent, mais si tu écoutes Fun Radio le matin, tu verras, ça ira bien. Tu vas découvrir une nouvelle famille et tu vas t'amuser le matin, t'amuser, mais pas que. Alors tu es là. Écoute Fun Radio pour la première fois et à peine réveillé, tu te dis « J'espère qu'ils vont mettre une petite musique douce pour me tirer doucement de mes rêves. » Eh bien, dommage. C'est le bootleg du jour, les amis. Attention! Si vous avez des problèmes de cœur, si vous êtes enceinte, n'écoutez pas cette chanson. Bootleg du jour, Red Hot Chili Peppers, Swedish House Mafia et Z, ça commence maintenant. We'll be right back. ça réveille. Alors attention, j'ai une pensée pour des gens, par exemple ma mère. Je sais que ma mère, souvent, quand elle m'écoute, et c'est rare, le matin sur Fun Radio, c'est aux alentours de 7h15. Ah. Je sais que si je l'appelle maintenant... Ah merde. Ah bah ouais, ouais. Alors c'est, attention, c'est du violent, c'est du lourd ce qu'on a envoyé. Ah ouais, mais ça fait du bien. Mais j'ai décidé que maintenant pour les bootlegs, voilà, c'est vendredi. Ah, oui, et oui, oh, hein. On se détend du slip un peu, hein. 7h24. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Merci. Merci la famille, puisque depuis 20 minutes. Le sujet dont on parle le plus en France sur les réseaux sociaux, c'est le hashtag « Tu sais que tu as grossi quand ?» que nous avons lancé il y a une vingtaine de minutes dans l'émission numéro 1 TT France une nouvelle fois grâce à vous. Vous êtes des bombes, ça fait plaisir. Merci d'être actif, de prendre un peu de temps. C'est pas facile hein, d'envoyer un message alors que t'es en train de te préparer pour aller bosser, t'es sur le chemin du travail. Et puis surtout, merci d'appeler. C'est ce qu'a fait Igor. Il n'est pas d'Osgore, mais il est de Lille. Bonjour Igor. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai eu du jardin. Jean du jardin viendra dans l'émission pour Brice de Nice. Ah, ça, oh, c'est la classe. Grande classe. Voilà, je suis amoureuse de Jean du jardin. Et ben voilà, donc il viendra. Il m'a promis qu'il viendrait dans l'émission. Ah, voilà. Ça c'est bien. Ça. Ah, donc j'adore. Voilà, c'est un délire. Ça n'est pas le sujet, Igor. Oui. Tu sais que t'as grossi quand? Tu sais que tu as grossi quand tu vides le pot de Nutella en une semaine. Ah, le pot de Nutella en une semaine, ouais. Ah, ma meuf, elle a fait ça. Et d'ailleurs, je lui ai dit et elle s'est vexée. Bah oui, ouais. C'est normal. Je lui ai dit, ah, t'as fini le pot de Nutella en 2 jours et tout. Elle me fait, non, non, il reste une cuillère. Je lui ai dit, non, tu l'as fini. Alors, bah oui, parce que ceux qui bouffent le pot de Nutella laissent quand même une cuillère, ouais. Au cas où. Genre, quoi, c'est pas moi qui l'ai fini, quoi. Pour se donner bonne conscience, tu sais. Alors, et tu sais que t'as grossi et tu sais aussi quand tu manges un pot de Nutella en une semaine que d'ici 3 ans, il y aura plus de orang-outans. Oh, il est là, mon Nicolas. Dans les forêts, grâce à l'huile de palme. Voilà. Et on les embrasse. Parce qu'en même temps, les orang-outans, est-ce qu'on en a besoin? Tu vois, franchement, ils font chier tout le monde. Vaut c'est mieux sacrément bon, quand même, le Nutella. Non. C'est sacrément bon, les orang-outans. Je suis désolé, mais ça, c'est mon côté un peu. Nicolas. Ouais, un peu Nicolas Hulot. Je suis désolé. Bon, Igor, en tout cas, oui, c'est vrai que ça marche. Je te fais des bisous, mon pote. Sur Twitter, il y en a un qui me fait marrer. C'est Chenas21 qui dit: tu sais que tu as grossi quand ton chat tâte ton ventre pour s'installer pour dormir. Oui, c'est vrai. Tellement ça. Il y a Reynald qui est à Lillebonne dans le 76. Salut, Reynald. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut. Hashtag tu sais que t'as grossi quand. Tu sais que t'as grossi quand tes boutons de chemise ne se ferment plus au niveau de tes pectoraux. Enfin, ah, oui, maintenant, on dit tes seins au bout d'un moment. Oui, mais, c'est ça. Voilà. En fait, tu dis des pecs pour faire genre je suis musclé, mais si vraiment tu prends du poids, c'est des nibards. Hein, quand tu commences à avoir des seins en garçon et que tu peux mettre un 95C, c'est qu'il y a un petit problème. Ouais. On t'embrasse, Reynald. Dans le même délire, il y a Flavien qui dit: tu sais que tu as grossi quand il y a un petit jour entre ton pantalon et ton t-shirt. Oui, c'est vrai. Il y a c'est Prince. Bonjour Prince. Salut Bruno, salut la famille. Mais non, salut. C'est vraiment ton prénom? Oui, c'est bien Prince. Prince de Lu, Prince, c'est toi. Déboîte. Et elle s'appelait Prince, je trouve ça super stylé. Prince à Créteil, t'as 20 ans, tu sais que t'as grossi quand? Alors, tu sais que tu as grossi quand tu commences à prendre des salades au McDo. Ouais, grave. Mais ça, c'est quoi, ça me fait rire? C'est comme quand tu vas au Domac, d'accord, et que tu te prends genre un bon burger, des frites, ouais. Et que tu demandes un Coca Light. Ah ouais. Je t'embrasse, Prince. Bisous, Anthony. Bisous, mon pote. Il faut savoir que la salade est plus gras que le Big Mac. Et ouais. C'est vrai, ça. Petite information nutritionnelle du McDonald's. C'est vrai, oui. Ouais, j'avais lu ça, ouais. La salade est plus grasse que le Big Mac. Avec la sauce, surtout à cause de la sauce. Voilà. Greg, il est à Grenoble. Salut, Greg. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut, Gregos. Tu sais que t'as grossi quand? Tu sais que t'as grossi quand tu t'assois et que ton pantalon craque au niveau des fesses. Oh, putain. Ah, oui. Là, c'est le drame. Hein. Ouais, quand c'est à moi, ça m'est arrivé une seule fois. Là, tu te dis, faut vraiment faire quelque chose quand même. Ça m'est arrivé aussi et c'est vraiment pas cool. Quoi. Dans les collègues de taf en plus. Non, mais tu sais, tous ces trucs-là, voilà. Et je le dis, vous savez à quel point on se bat pour le poids dans cette équipe. Ouais, moi, oui. Le premier, Elliot. Bon là j'essaye de maintenir, ça va, j'arrive à me tenir sur le régime, mais c'est compliqué. Mais quand on vit ça, ouais, c'est compliqué. Il y a les jambes qui frottent, du coup ça fait craquer le pantalon au milieu, quoi. Il y a David qui dit: tu sais que tu as grossi quand ton fauteuil de bureau descend tout seul à longueur de journée alors qu'il est neuf. Ouais, bien sûr. Bah, tu sais que t'as grossi quand tu ressors, tu sais, genre le mobilier de jardin de l'été d'avant, et que tu casses la chaise pliante. Ah là, c'est ça, c'est horrible. Ça m'arrive, ça, une année. Ouais, et là t'as un peu la honte. Il y a Antoine qui sur Twitter dit: tu sais que tu as grossi quand la balance affiche ton numéro de téléphone. Un lunaire aussi, Chaudin qui dit tu sais que t'as grossi quand les voitures tournent autour de toi pensant que t'es un rond-point. Oh non. Super drôle. Ça me fait rien. Bon les amis, il y a Melvin qui m'a écrit. Il a 17 ans, il habite à Grasse, il veut qu'on appelle son père. Melvin, il aimerait pouvoir utiliser son téléphone portable après 21h, ouais. Mais son papa lui interdit. Il a quel âge, Melvin ? Il a 17 ans. Oh, là, dis donc. On appelle le daron en direct, c'est la chanson du jour sur Fun Radio, après les news. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder, Calvin Harris, Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas grave. Avoir froid, c'est bon pour la circulation, alors. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 17 octobre, 15% de remise sur les radiateurs Equation à partir de 3 radiateurs achetés parmi les gammes Virtuoso, Alidea, Lirao et Esus. Garantie des pièces électroniques pendant 3 ans, incluses. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Hors promotion et commande en cours, panachage possible. Marionneau. Plus que quelques jours pour profiter des jours uniques chez Marionneau. Profitez de 25% de réduction exceptionnelle sur tout le magasin et l'institut. N'attendez plus pour vous faire plaisir. C'est le moment de craquer pour tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font envie. Offres et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Hey, à la Banque Postale, ils ont observé qu'il y a des petites ou des grandes voitures, des neuves ou des occasions, des gens qui font du covoiturage ou qui sont en conduite accompagnée. À la Banque Postale, ils ont aussi observé que les assurances auto, elles, ne sont pas aussi variées. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors, ils ont une assurance auto qui colle à chaque conducteur. Et jusqu'au 16 octobre 2016 inclus, ils vous offrent 3 mois sur la prime de votre assurance auto la première année. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale, banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'Orias en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances. C'est sensationnel. Enfin, ma chérie, on dit sensationnel. Mais non, maman, c'est sensationnel. À la Halle, c'est jusqu'à moins 50% sur plus de 3000 modèles. Ah oui? Et pour être mode de la tête aux pieds, c'est tout de suite maintenant. Moins 50%. Ah, ça, c'est sensationnel. La Halle, c'est vraiment vous. Offre valable jusqu'au 10 octobre. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France continuent chez Intermarché. Cette semaine, vous avez jusqu'à 70% d'économies sur une grande sélection de produits. Oui, vous avez bien entendu, 70% d'économies. Et tentez de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse 2 fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Jusqu'au 23 octobre. Bougez pas, Bruno. Vous êtes des bombes. Je suis en train de regarder là sur les réseaux sociaux le hashtag tu sais que t'as grossi quand. Il y en a qui sont à mourir de rire. On peut en refaire une série hein, dans moins d'un quart d'heure, ça me fait marrer. Tu sais que tu as grossi quand ce hashtag ne te fait pas rire du tout. C'est vrai que ça marche. Bon, chanson du jour, là, ça arrive dans le quart d'heure et puis on aura Alexandra. Elle a 23 ans, elle est à Villefranche-sur-Saône, elle a un moment happy à partager avec nous. Fun Radio. Le son. Fleur. Le point sur l'actu de ce vendredi matin, c'est Poulo. Maxime Poulaouek, bonjour. Salut Bruno, allez, la météo de ce vendredi 7 octobre, un ciel nuageux au nord du pays, entre l'Alsace, les Hauts-de-France, la région parisienne et la Bretagne, partout ailleurs. Le soleil brillera sous forme d'éclaircies. Les températures seront en baisse, 6 à 9 degrés de moyenne au réveil. Dans l'après-midi, prévoyez 15 à Dunkerque, 16 à Paris, 17 degrés pour Orléans, 18 à Limoges et Saint-Etienne, 20 à Montauban et 21 le maximum pour Avignon. L'ouragan Matthew se dirige vers les États-Unis. 2 millions d'Américains ont été évacués ces dernières heures sur la côte sud-est. La Floride, la Caroline et la Géorgie sont en alerte. Sur son passage, l'ouragan a fait beaucoup de dégâts dans les Caraïbes, notamment en Haïti, où on dénombre plus de 300 morts. Manuel Valls en fait une de ses priorités, la surpopulation carcérale. Le Premier ministre a réaffirmé hier sa volonté d'agir vite. Il a annoncé la création de 33 établissements pénitentiaires, avec 9 agglomérations concernées en priorité, ainsi qu'un livre blanc pour les prisons avant mars 2017. Le plan gouvernemental prévoit également la construction de 28 quartiers de préparation à la sortie. Le foot, France-Bulgarie, c'est ce soir à 20h45. 5, deuxième match de qualification au Mondial de 2018. Les Bleus auront à cœur de laver l'affront de 1993, une défaite 2-1 avec un but de Kostadinov dans les derniers instants de la partie, privant la France d'une participation à la Coupe du Monde 94. Il a eu chaud, très chaud. Google a annulé la dette d'un jeune Espagnol de 12 ans, alors qu'il pensait récupérer de l'argent avec le nombre de vues de vidéos YouTube de son groupe de musique. Le garçon venait en fait d'acheter pour 100 000 euros de pub. La firme a compris qu'il s'agissait bien sûr d'une erreur. Et puis Fun Radio soutient toujours le Pasteur Don, cancer, sida, Alzheimer. Les 1500 chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre. Vous pouvez les aider en faisant un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. 7h34, bon réveil sur Fun. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 7h34, bon réveil la famille, c'est Fun Radio et Mike Perry. Mike Perry s'arrête dans quelques secondes là. Vous le retrouvez sur la compilation Bruno dans la radio, dans les bacs depuis une dizaine de jours. 3 CD, 60 titres. Il y aura Boosty également. Popcorn. Et puis le nouveau David Guetta, première diffusion en France, c'était sur Fun Radio. Would I Lie to You? On a lancé ce matin le hashtag « Tu sais que tu as grossi quand ?» qui est numéro 1 Top Tweet France là pour ce vendredi matin depuis 30 minutes. Moi, je veux vraiment qu'on en reparle à l'antenne dans un quart d'heure parce qu'il y en a qui me tuent de rire. Il y a Thierry, ouais. Camille, « Tu sais que tu as grossi quand t'achètes une deuxième balance ?» pour dire que la première est méchante. Et il a mis une photo avec deux balances l'une à côté de l'autre. Il y a Julien qui dit « Tu sais que tu as grossi quand la position accroupie, tu l'oublies en jean. » Oui, c'est vrai. Il y a Filsy qui dit « Tu sais que tu as grossi quand ta main reste coincée dans le paquet de Pringles. » C'est drôle. Ah, ils sont géniaux. Il y a Yuri qui dit « Tu sais que tu as grossi quand tu t'assois dans le canapé et que l'empreinte ressemble à une météorite qui s'est écrasée. » Oh, il y a Orphan qui dit « Tu sais que tu as grossi quand tu essaies ton jean. » ton jean boyfriend et qu'il s'est transformé en slim. Ouais, c'est ça. Oui, Elliot. Tu sais que t'as grossi quand on te conseille d'arrêter de pousser ton couscous avec du pain. C'est ça. Ça marche aussi avec les pâtes. Ouais, surtout avec les et pâtes. Aussi, ouais. Et aussi avec la pizza quand tu commences à manger l'œuf, le jaune d'œuf avec du pain sur ta pizza. Oh là là, et quand tu commences à tremper tes croûtes de pizza dans de la sauce genre barbecue. Ouais, ça, mais il n'y a que toi qui fais ça. Ouais. Allez, chanson du jour. On a comme un petit problème. Le vendredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. Chanson de ce vendredi matin. Faites sonner le clairon pour Melvin. Salut Bruno, salut la famille, comment ça va? Ça va, mon pote. Melvin, 17 ans, t'es à Grasse, on est dans le département des Alpes-Maritimes. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Ouais. Je viens de m'engueuler avec mes parents, toujours pour la même raison. J'utilise mon téléphone après 21h, j'ai 17 ans. En gros, mon père ne veut pas, et ma mère du coup fait comme lui, que j'utilise mon téléphone après 21h. Et tu ne comprends pas leurs explications. C'est quoi les explications qu'ils te donnent? Alors en gros, les explications, c'est qu'ils me disent que bah, du coup, ça les gêne que j'utilise mon téléphone. Après, ouais. Après ils me disent qu'il y a les ondes, ils veulent pas avoir des ondes à côté d'eux. Voilà. Ouais. Ah ouais. Alors là, c'est toujours compliqué pour moi. Ouais, c'est toujours compliqué pour moi parce que 21h, c'est quand même tard, non? Bah, attends, ouais. Il a 17 ans, il a pas 14 ans. Il a un an d'avoir 18 ans. À 18 ans, vous étiez déjà plus chez vous. Le problème. Et là, c'est le. Et Melvin, excuse-moi, ouais. C'est le daron qui parle. Je me mets ma peau de daron, excuse-moi. Bruno, oui. Le problème, c'est que quand tu te couches. Oui. À partir du moment où tu te mets sur ton téléphone portable. Oui. Entre Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Mais il a 17 ans. YouTube, etc. Ouais. Chaque truc t'incite à voir un délire. Et si tu as sur ton téléphone, de 21h, il est vite 1h du matin et tu ne l'as pas vu. Mais s'il veut se coucher à 4h et pas dormir, il est grand, il fait ce qu'il veut, il a 17 ans. Il a 17 ans, mais il a des études à passer pour avoir un métier, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si, là, c'était lui. Mon côté daron. Après, c'est vrai qu'à 17 ans, si tu veux te secouer la nouille sur Jackie et Michel, tu le fais après 21h quand tes parents sont en train de regarder la télé. C'est vrai aussi. Ah oui. Donc du coup, je suis partagé entre les deux. Mais bon, après, Melvin, tu nous as appelé. Bien sûr. Tu nous as demandé de faire passer le message. On va le faire. Mais c'est surtout, c'est que voilà, ça déclenche des engueulades. On va essayer de faire en sorte que. Melvin. Oui. Tu veux contenir. Mais en fait, c'est qu'il te. Il te confisque ton téléphone? Bah non, je l'ai à faire. Au début, il voulait me confisquer. Mais au début, je lui expliquais tous les trucs, par plein de choses. Je le garde quand même. Après, vu que je le garde, on s'engueule ensemble, quoi. D'accord. Mais en fait, ça veut dire que tu les écoutes. Ouais, mais si tu le fais quand même, du coup, après 21h, ils viennent pas vérifier. Bah si, mais justement, il m'engueule quand je l'utilise après. D'accord. Bon, écoute, on va essayer de gérer le truc. Il est cool ton père ou pas dans la vie? Oui. Bon, on va l'accueillir à l'antenne, on lui fait le message et puis après on essaye de gérer. Tu bouges pas mon pote. Puisque c'est ça le principe de la chanson du jour, on essaye de faire passer un message en chanson. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, salut. Je m'appelle Bruno Guillon et tu es en direct sur Fun Radio. D'accord. Enchanté. Eh bien écoute, sentiment partagé, enchanté également. Je ne sais pas si tu connais l'émission. Bien sûr, bonjour la famille. Oh oh, salut Philou. Oh, moi qu'allais vous appeler le père Fouettard. Le père Fouettard, non, je reconnais quelques noms et tout. Ouais, non, c'est bon, il y a Christina, Michael, Vacher. Voilà, je connais un peu du monde. On est là. Alors, et ce qui est grand, c'est qu'il y a quand même Loosman qui est en train de me regarder en faisant Michael. Oui, tu sais, Mika du JPI, c'est Michael en fait son prénom. Ah, autant pour moi. Ben voilà. Bienvenue dans l'équipe en tout cas, Loosman. Philippe, on a une chanson pour toi, t'écoutes les paroles, on en parle après, d'accord? Ah, voilà, ouais, d'accord, ok, ça va. C'est un message de la part de Melvin. D'accord, oui, je connais. Eh ben, je préfère que tu connaisses, hein, c'est ton fils. Allez, musique. On est sur du Kenji. C'est la jeunesse qui vous parle, ce monde que vous avez oublié. Quand vous avez commencé à porter des chaussons et arrêter de sortir en soirée. De toute façon, après deux verres, vous étiez pompette. Vous mettiez quatre jours à vous en remettre. Bref, si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour vous dire que votre fils a grandi et qu'il fait plus pipi au lit. Vous aussi, vous avez déjà eu la quéquette qui frétille à l'idée d'enfin tremper le biscuit. Alors avec sa petite amie, ce couvre-feu de 21h, ça lui calme ses ardeurs. Surtout les ardeurs de son cœur, car il aimerait enfin l'aimer sans qu'il y ait de limite d'heure. Donc si vous voulez pas devenir un gars, laissez-le avoir son téléphone jusqu'à très très très très tard le soir. Ça vous rappellera des souvenirs et ça vous évitera de trop vieillir. Philippe. Trop vieillir, ouais, c'est ça. Philippe, on a le même âge. Donc je suis. Tu sais, j'ai un pied partagé. Franchement, j'ai un pied chez les quarantenaires, j'ai un pied chez les ados, ce qui fait que j'ai les testicules sur la tête de ceux qui ont 25 ans. Voilà. Mon cœur, ma tête et mes couilles qui font pas bon ménage à chaque fois. Oui, Philippe, tu as été jeune. Philippe, souviens-toi de ça, t'as dragué à une époque. Oui, et ben, exact. Et ben Melvin, il a besoin de temps en temps d'échanger des messages avec sa meuf après 21h. Après 21h, ah oui, voilà, d'accord, ok, un petit événement, d'accord, ok, oui, ça me rappelle vaguement quelque chose, oui. Bon, est-ce qu'on lui donne, on décale un peu le couvre-feu, il a 17 ans, ça va quoi, tu vois? Oui, je sais qu'il a 17 ans, mais c'est parti là-dessus pour 21h, ouais, on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que pour moi c'était une heure raisonnable, mais c'était pas devant la télé, si ouais. Voilà, on pousse à 22. Philippe, on peut gagner. On pousse à 22, oui. On peut pousser à 22h, ça va, tu vas pas passer pour un gros ringard à l'oreille de nos auditeurs. Non, je me doute. Non, c'était le côté raisonnable et tout ça, et pas le faire devant la télé, tout ça. Philippe, 22h, ouais, on part sur 22h. On part aussi en 22h s'il veut, mais ça dépend. Après, il y avait plusieurs autres sujets. C'était bon, pas que ça. C'était... Moi, j'ai que celui-là pour l'instant. Melvin. Oui. 22h, ça te va? On a gagné un peu. Mais ça me va. Bon. Ah. Mais c'est pas tous les soirs. Non. Bon, on vous laisse vous expliquer entre vous. On se dit, allez, 4 soirs sur 7. On sort une grosse moitié. On coupe la poire en deux. Allez, pas en deux complètement, mais. Bon, Melvin. Oui. On a géré un peu le problème. Bah ouais. Bon, et bon, dis quoi ? Merci Bruno. Et ben ouais. Bisous, merci papa Bruno. Mike Perry, ça arrive sur Fun Radio. On a un moment happy avec Alexandra là, partage avec vous. Et puis le nouveau David Guetta. Vous écoutez la première radio Dance Floor de France. Vous êtes sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing.

classement. Il y a une case qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. 7h48, bienvenue sur Fun Radio. Ah, petit moment happy du jour. J'aime ce moment qu'on partage avec des auditeurs de Fun Radio. Ce moment de bonheur qu'on vit avec un auditeur ou une auditrice. Et comme je dis que le bonheur est contagieux, l'espace de quelques secondes, on est tous heureux. Et ce matin, on va être heureux avec Alexandra. Elle a 23 ans, elle est à Villefranche-sur-Saône. Bonjour Alexandra. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie du côté de Villefranche? Là, je travaille au centre Léon Bérard en recherche en cancérologie. Oh, c'est fort. Ça veut dire que tu es chercheuse? Pas encore, parce que je suis encore étudiante. Donc d'accord. Là, je suis en master 2 et voilà. Et tu sais quoi, c'est bien que t'en parles. Parce que Fun Radio est partenaire avec tout le groupe RTL, d'ailleurs, du Pasteur Don. Ce sont des chercheurs qui bossent H24. Moi, je suis allé les voir et qui font des recherches contre le cancer, bien sûr, mais aussi avec leurs recherches, ça aide contre le sida, ça aide contre plein d'autres maladies. Et félicitations à toi, Alexandra. Exactement, voilà. Ça. Bon, Alex, alors t'as un moment happy à partager avec nous. Qu'est-ce que c'est? Alors, mon moment happy, c'est que ce soir, je devais passer la soirée avec mon chéri. Je devais aller partir le voir en train. Et en fait, j'ai annulé à cause de mon moment happy. Donc, ça fait 5 ans que je vous écoute tous les matins et que vous mettez trop de bonne humeur. Et à chaque fois qu'il y a des auditeurs qui peuvent passer des moments avec vous, comme à Ibiza ou quand vous êtes allé les voir regarder un match de foot cet été, je me dis qu'ils ont beaucoup de chance. Ouais. Et j'ai appris il y a 2 semaines que ce soir, il y avait une soirée Bruno dans ton club à 10 minutes de chez moi. Oui, c'est vrai, on j'ai réussi à avoir des préventes pour venir vous voir. Donc même s'il n'y aura pas toute l'équipe et toute la famille, je vais quand même pouvoir voir Bruno et Eliott ce soir. C'est adorable, mais ça veut dire que tu as planté ton mec pour venir nous voir ce soir. Oui, et je suis encore auprès de lui parce qu'il m'en a un peu voulu. Mais tu m'étonnes. Je me suis dit que c'était une occasion qui ne pouvait certainement pas se représenter. Alors... C'est adorable. Alors, tiens, justement, Alexandra, parce qu'on se posait la question, donc le BPM Lounge, oui. Tu connais ou pas? Non, justement, en fait, ça vient d'ouvrir apparemment. Donc, c'est vrai que c'est un gros truc, hein. Ça cartonne, c'est à Belleville, c'est entre Mâcon et Lyon. Ce soir, on sera là-bas, ce soir avec Elliot, à partir de minuit, on mixe au BPM Lounge. Et donc, Alex, tu viens nous taper la bise, hein, tu me fais plaisir. Justement, je voulais te demander si c'était possible de rendre mon moment happy encore plus méga happy. Est-ce que c'est possible de venir vous voir un petit moment avec Mais Bruno y a et Elliot? Aucun problème. Bien sûr. Alors, tu sais, quand on fait des soirées, je le dis, hein, parce que on vient pas en restart, hein, c'est-à-dire qu'on fait notre truc et après on prend des photos, on discute, il n'y a pas de problème. On boit des coups aussi, surtout. Alors, moi, je bois que de l'eau, mais je bois des coups d'eau. Alexandra, d'accord. À ce soir, ma belle. Ouais, super. Ok, très bien. Et je veux t'entendre crier, je suis heureuse. Je suis heureuse. Ça fait plaisir. Oui, Eliott. Ton mec vient de m'appeler, finalement, je serai avec lui pour me venger. Donc, il n'y aura que Bruno ce soir. Bisous, Alex. Bisous, à ce soir. À ce soir. Oh, ça fait plaisir. C'est adorable. Ouais, c'est adorable, vraiment. Il est sur la compil Fun Radio, Bruno dans la radio, Mike Perry. Fun Radio. Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a Le JPI sur Fun Radio. Dans 6 minutes, 8h du matin, vous êtes sur Fun Radio, c'est l'heure du JPI, le journal pas en images, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, les piles de sa télécommande sont usées, elle reste 6 heures devant Energy 12 et se tue. Kim Kardashian, nouveau rebondissement dans l'affaire Kardashian. Voilà. D'accord, très bien. C'était le bruit des rebonds, donc. Oui. PSG, la direction du PSG a décidé de faire des économies sur les petits gaspillages au quotidien du club, comme certains maillots non utilisés par les joueurs. Bon, par contre, payer 800 000 euros à Tem Ben Arfa pour qu'il regarde les matchs en tribune, il trouve ça normal. Hein. Ce soir, l'équipe de France affronte la Bulgarie en match de qualification pour la Coupe du Monde de 2018. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony. Ah, qu'est-ce qui se passe, Anthony? Qui est-ce qui pleure comme ça, là? Ah, ça, c'est Grégoire Margoton qui commente les matchs de l'équipe de France sur TF1. Il vient de voir les noms des joueurs bulgares. Entre Alexander Alexandrov, Ivan Bandalovski, Blagoy Makhendiev ou encore Risto Slasinski, ah, il va en chier pour commenter le match. Ouais, effectivement, bon courage à lui. Merci, Anthony, à dans une heure pour un reportage. Et pour finir, si vous aimez les Pokémon et les journalistes, découvrez Léa Salamèche. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Je l'ai 30 secondes, ça va arriver dans un peu plus d'une demi-heure. Vous pouvez commencer à jouer hein, au 32-28, plaque PS4 à vous offrir avec le jeu de Last Guardian. C'est qui pour l'instant le champion? C'est toi, Bruno. Oh, peut-être une troisième victoire ce matin. Je suis chaud bouillasse. Ce sera sur Fun Radio. À 8h10, je paye de la facture. Et tout de suite, le tout dernier David Guetta sur Fun. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son dance floor. C'est comme pour les trains ici. Attention, un DJ sur Fun Radio peut en cacher un autre. Calvin Harris arrive dans quelques secondes, 8h10, je paye de la facture et puis on a lancé le hashtag « Tu sais que tu as grossi quand ?» On en reparle juste après les news. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. David Guetta. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Record à battre chez Conforama. Jusqu'au 25 octobre, des prix imbattables sur le meuble, la déco, le multimédia et j'en passe. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Moi, valeureux candidat. Moi, trouver job grâce à méthode ancestrale. Moi, faire signaux de fumée pour envoyer un CV. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job en mode Apache. T'es sérieux, là? Bah oui. Mais sors de ton Tipeee. Faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Ah bah, je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. J'ai envie d'une viande fondante, goûteuse, avec du caractère. Du vrai faux filet, Michel. Voilà ce qu'il vous faut. Jusqu'à demain chez Carrefour Market, la barquette de faux filet 3 étoiles origine France est à seulement 9,90€ le kilo. Ça tombe à point. Saignante, c'est pas mal non plus. Ah, vous mettez l'eau à la bouche. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Viande bovine faux filet 3 étoiles à griller. La barquette de 5 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Intersport. Vous allez adorer l'anniversaire Intersport. Du 5 au 15 octobre, choisissez un maillot réplica junior ou adulte et bénéficiez de moins 50% sur le deuxième maillot. Oui, votre deuxième maillot à moitié prix. Dépêchez-vous. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Bougez pas, Bruno. 8h10 en direct sur Fun Radio. Comme chaque matin, je vais payer de la facture. Vous avez de la facture à vous faire payer, bah vous l'envoyez facture@funradio.fr. On va débarquer chez vous là dans 10 minutes. Fun Radio. Le son. Fla. Fun. Poula. Poula. Maxime Poula Wek pour les infos. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Allez, la météo de ce vendredi 7 octobre. Le temps redeviendra sec et ensoleillé dans le sud. Au nord, les nuages resteront nombreux entre l'Alsace, la région parisienne, les Hauts-de-France et la Bretagne. Il fait 6 à 9 degrés ce matin. Dans l'après-midi, prévoyez 15 à 17 degrés jusqu'à 21 en Méditerranée. Mathieu commence à frapper les États-Unis. L'ouragan se dirige maintenant vers la Floride, la Géorgie et la Caroline. 2 millions d'Américains ont été évacués avant le passage de ce monstre. Le plus gros de ces dernières décennies. Sur son passage, il fait plus de 300 morts en Haïti, pays le plus pauvre dans la zone des Caraïbes. Du foot ce soir, le deuxième match de qualification au Mondial 2018. Les Bleus joueront contre la Bulgarie à 20h45 au Stade de France. Les hommes de Deschamps feront leur retour dans l'enceinte de Saint-Denis 3 mois après la finale perdue de l'Euro. Griezmann, Payet et Gamero devraient être alignés en attaque. C'est le début aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe. 10 millions de personnes vont recevoir un bon gratuitement de la part de l'assurance maladie pour se faire vacciner. Et cette gratuité est valable jusqu'au 31 janvier 2017. La grippe touche chaque année entre 2 et 8 millions de personnes et cause 2 à 9 000 morts essentiellement chez les plus de 65 ans. Pour ces 10 ans, la vidéo à la demande s'offre une fête de la VOD. Jusqu'à dimanche, toutes les locations de longs métrages sont à 2€. Un prix avantageux, notamment pour les nouveautés. Depuis son apparition, la vidéo à la demande compte 300 millions d'actes locatifs, 40 plateformes, 70 000 œuvres disponibles, dont 15 000 films. Et puis c'est le Pasteur Don Fun Radio soutient cette 10e édition. 1500 chercheurs se mobilisent au quotidien dans la recherche biomédicale. Leur but, vaincre les maladies du cerveau, les maladies infectieuses et des cancers. Vous pouvez vous aussi soutenir la recherche en faisant un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Il est 8h04, on retrouve Bruno dans la radio sur Fun. Bonne matinée. Vous écoutez Fun Radio, aujourd'hui nous sommes le 7 octobre, il est 8h04, j'ai envie de vous dire bonjour. Bonjour. Oh putain, c'est vendredi. Mais oui, les amis, lâchez-vous un peu, c'est vendredi, soyez détendus. Vendredi, on dit que c'est Friday Wear. C'est le jour où tu vas habiller un peu plus cool au boulot, etc. Bon, après, je sais qu'il y a des tafs où si t'es en bleu de travail, hein, le Friday ou le Monday, c'est un peu pareil, on voilà. Va pas se mentir. On peut venir en caleçon ? Ouais, bien sûr. On vous amène l'ambiance du vendredi chez vous, voilà. Il y a Sia qui arrive dans quelques secondes. Calvin Harris, My Way. Et puis, avant 9h15, j'aimerais que nous essayions d'avoir au téléphone l'unique, le seul, le géniteur. Oui, il est né. Je n'ai pas compris ce que tu chantes. Mais oui, il est né, le divin enfant. Ton encore son appartement. Il est né hier. Quelle heure d'ailleurs, puisqu'on avait fait un truc sur l'horaire. Qui a je gagné? Je ne connais pas l'heure exacte. Ah merde, voilà. Je pense que c'est en tout début d'après-midi, parce que après Vaché vous en parlera ou pas, c'était pas un accouchement facile. Ça voilà, c'était un peu compliqué, ça honnêtement. C'était un peu compliqué. Très honnêtement, c'est pour ça qu'hier sur les réseaux sociaux, vous arrêtiez pas d'envoyer des messages en disant qu'est-ce qu'il en est, etc. Ça a été un peu flippant, mais tout va bien l'arrivée. D'accord. La mère et l'enfant se portent oui, bien. Oui, ce matin, ça va bien. Vaché un peu moins, mais... Donc, Vaché et papa depuis hier après-midi, voilà. Il rejoint la famille des bébés, Bruno, dans la radio. Il y avait mon fils, Anatole. Il y avait Romy, la fille de Christina. Il y avait Paloma, la fille de Karina. Il y avait Thelma, la fille de Mika. Il y avait et moi, bien... Elliot. Je suis un grand fan. Eh bien, sachez que nous accueillons dans cette famille, Bruno, dans la radio, un petit Georges. On est contents. Et alors, ce qui me fait marrer sur Twitter, c'est que vous êtes nombreux à nous appeler tonton et tata ce matin. Ouais, c'est vrai qu'on a encore... Voilà, tata et tonton. C'est un peu ça, voilà, Georges avec un J. Oui. Et donc, nous, vous savez quoi, je voudrais ce matin, et j'en profite pour que Vaché ne soit pas là. Je voudrais que tout le monde, toute l'équipe de Bruno dans la radio vienne là, oui. Même l'équipe du JPI qui est dans le bureau. Je voudrais que nous fassions tous un pacte. De quoi ? Et que nous le fassions aux yeux de la France entière, aux oreilles de la France entière. D'accord. Aux oreilles de la famille Bruno dans la radio qui nous écoute tous les matins. Donc je veux que toute l'équipe soit vraiment ici dans ce bureau. On n'a pas le droit de coucher avec les femmes des autres ? Non, du tout. Ah, tu veux que nos enfants ne couchent pas ensemble ? Non, ça n'a rien à voir. Non. Okay. On peut Anto, pas coucher ils sont avec où les deux trous du cul du JP, ils sont en train de fumer leur clope comme d'habitude. Ah, là, forcément. Ouais. Leur set, les fumeurs. Je veux que nous nous engagions sur l'honneur. Bah quoi ? À ne pas faire de vanne sur le prénom Georges. Ah, bah moi j'en ferai pas, j'aime beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Non. En plus, c'est le prénom du petit frère de Pipa, dans Pipa Pig. Très bien. Ah ouais, c'est le prénom de Georges Mallet. Anto du JPI, tu te sens capable ? Je vais essayer, mais je promets pas. Hein. Il n'y a que ma mère qui a fait une vanne super les deux fumeurs, là, voilà, qui mangent leur clope, là, qui arrivent avec la laine qui pue la merde. Mika, Karina, est-ce que vous vous engagez à respecter ça ? Et là, regardez, dites-en rien. Voilà. Ouais, ils savent pas ce Et maintenant, voilà, est-ce que vous vous engagez à respecter ça ? Il faut qu'on en parle. Moi, je m'engage à ne pas faire de vanne sur le prénom du fils de Vaché. Ah, oh. C'est ma championne. Ouais, ça, je te dis, Karina, c'est ma championne. Bon, on s'engage à pas faire de vanne sur Georges. Bah, c'est un peu vieux, c'est tout. L'odeur de la clope dans la bouche, les amis. J'ai l'impression d'avoir embrassé un cendrier. Bon, les amis, on essaiera d'avoir Vaché au téléphone tout à l'heure avant 9h15. C'est important quand même de lui faire un petit bisou. On a lancé ce matin le hashtag « Tu sais que tu as grossi quand ?». Il y en a plein qui sont arrivés sur Twitter. Je voudrais qu'on essaye de reprendre 2-3 auditeurs là avec nous parce que c'est des barres de rire depuis une heure. On est en top tweet France. Tiens, il y a Jean-Michel qui est à Agen. Bonjour Jean-Michel. Ouais, bonjour la famille. Bonjour. Tu sais que tu as grossi quand ? Il n'arrive plus à faire tes lattés en une seule fois. Ouais. C'est quand tu te galères pour faire tes lacets et que tu essayes de remonter ta jambe, ton pied sur ton genou. Parce que tu peux pas te baisser, oui, bien sûr. Naturellement, dès que tu refais une grande respiration pour aller faire le deuxième. C'est vrai. Je t'embrasse, Jean-Michel. Celui de Frédéric sur Twitter m'a tué. Tu sais que tu as grossi quand on commence à te dire que tu as un joli visage et beaucoup de charisme. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur, ça. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Elliot. Il y en a un qui est vrai. Daphné qui dit, tu sais que tu as grossi quand tu commences à adopter des positions improbables pour être beau sur les photos. C'est ça. Ah, ça, c'est vrai. Quand tu commences à ouvrir un peu la bouche pour maigrir le visage. Didier à Carcassonne. Salut, Didier. Ouais, salut Bruno. Salut, salut Didou. Tu sais que t'as grossi quand? Quand tu te laisses pousser la barbe pour cacher le double menton. Ah ouais. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis sur Twitter, tu sais que t'as grossi quand tu sais plus lequel est ton vrai menton. Oui Didier, tu voulais poser une question. Bruno? Oui. Ouais, je fais une petite dédicace à ma, c'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Comment voilà. Elle s'appelle? Elle s'appelle Sabrina. Sabrina, eh bien, on souhaite un bon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire, Sabrina. Bisous, Sabrina. Ouais. Merci. Sabrina, Sabrina, une petite pensée pour toi. Sabrina, Sabrina, ça rime avec le mot caca. Sabrina, Sabrina, il dit Didier qu'il n'aime que toi. Mais avant, il y a eu Stéphanie, Cécile, Céline, Françoise et Virginie. Mais aujourd'hui, il n'aime que toi, Sabrina. Sabrina. Bravo. On t'embrasse, Didier. Merci, salut l'équipe. Bisous, belle journée. Ciao, ciao. 8h10, c'est Fun Radio. Je vais payer votre facture. J'ai envie que ce soit la vôtre. Je vous appelle en direct dans 3 minutes sur Fun, juste après Sia avec Kendrick Lamar. I'm the youth, ayy, I am the greatest, ayy, this is the proof, ayy, I work hard, pray hard, pay dues, ayy, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the strongest survive, another scar may bless you, I don't give up, no, no, give up, no, no, don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Greatest, c'est Sia, Kendrick Lamar sur Fun Radio. Calvin Harris, tu arrives là dans quelques secondes. Est-ce que vous voulez... J'ai deux choix là pour vous, parce que je voulais vous parler d'un truc, mais je vois que ça cartonne tellement le sujet, tu sais que ça grossit quand, que je me dis qu'on peut en reparler avec les auditeurs et délirer là-dessus avant 8h30. Franchement, ouais, moi je suis pour, parce qu'il y en a des super drôles. Monsieur, je lis depuis tout à l'heure, bon, on est en top tweet France hein, depuis 7h du matin, depuis qu'on a lancé le sujet. Mais alors, il y en a qui me tuent de rire. On est parti sur ce délire, ben, un auditeur qui nous disait voilà, il s'est rendu compte qu'il avait grossi parce que dans sa baignoire, quand il bouge, ça fait des vagues. Elliot nous a dit, ben, moi c'est pareil, quand je m'assois dans ma baignoire, comme il s'assoit avant de faire couler l'eau, voilà. Il faut qu'il se lève parce que sinon l'eau ne remplit pas la baignoire, il y a une moitié qui ne se remplit pas dans son dos. Mon cul fait barrage. Ouais, j'ai essayé de le dire joliment, mais, mais c'est bien dit aussi comme ça. Et donc il y en a tout plein qui arrivent, on va refaire une série avec vous au 32-28. Il y a par exemple Crochepat qui dit, tu sais que tu as grossi, quand jouer à cache-cache devient impossible pour toi. Oui Elliot. Il y a Isabelle qui dit, tu sais que tu as grossi quand t'accuses la machine de rétrécir tes jeans à chaque fois. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça rétrécit quand ça passe à la machine. Tu sais que t'as grossi quand tes doigts ouvrent les deux applis, les applis deux par deux sur ton smartphone. Faut être très gros là. C'est vrai, quand t'as des doigts boulinés. Ou alors il y a Chaudin qui dit, tu sais que t'as grossi quand tu ne fais pas l'amour mais des saillies. Ah, c'est horrible ça. Voilà. Je vous souhaite jamais d'être gros les amis, parce que ça peut blesser aussi ce genre de hashtag. D'ailleurs il y a des gens qui l'ont dit, tu sais que t'as grossi quand t'as le seum en voyant ce hashtag au réveil. Ah bah. On peut en reparler là tout à l'heure. Pour l'instant je paye de la facture. Bruno, allô, paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio. On paye de la facture, quelle que soit votre facture. Et même si vous venez d'arriver sur Fun Radio, c'est pas comme les mutuelles. Il n'y a pas une période avant que vous puissiez envoyer votre facture. Vous avez changé de radio, vous êtes arrivé sur Fun ce matin, mais vous pouvez envoyer votre facture ce matin. Bien on vous sûr. Acceptera tout pareil, c'est ça la famille. Évidemment, et tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'être tiré au sort. Donc pour ça, envoyez vos factures à facture@funradio.fr ou bien vous les déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. On vous appelle en direct le matin. Votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. Direction l'Indre-et-Loire. Chez Elodie. On part à Mont. Et je rappelle que pour que cette facture soit payée, il faut décrocher. Allô. Oui. Elodie. Oui, c'est moi. Bonjour Elodie. Elodie. Bonjour. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno dans la radio. Ouais. Trop cool. Bon, Maëlo, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie à Mont? J'ai 19 ans, je suis aide-soignante à l'hôpital. D'accord, très bien. Hôpital où ça? À Tours? À Bretonneau, ouais. D'accord, ok, très bien. Elodie, ma chérie, tu m'as envoyé une facture de 250€. Qu'est-ce que c'est? C'est un stage de mix de DJ pour mon chéri pour son anniversaire. Oh, classe! Cool. Ouais. Mais alors, où est-ce qu'il va faire un stage de DJ? À Poitiers, à l'école. Il y a une école de DJ à Poitiers? Ouais, et il y en a une aussi à Lyon. Ah, c'est la même qu'à Lyon, l'UCPA. D'accord, mais d'accord. À Poitiers, je... ça cartonne. Hein. Ça vient d'ouvrir à Poitiers, je crois. À Lyon, je savais, mais à Poitiers, je savais pas. Je crois qu'elle est récente, hein, je crois. Mais qu'est-ce qui mixe à Poitiers? En fait, il va devenir DJ, donc du coup, je veux qu'il donne l'opportunité de le faire, donc. Oh, c'est clair. Ils vont voir les bases, tout ça, donc c'est cool. Ouais, bah après, et si vraiment il devient DJ, au-delà de lui offrir des stages, il faut que tu lui offres des préservatifs, hein, Elodie. Ouais, ouais c'est ça, ouais, parce que le monde de la nuit. Ah là mais c'est pas un cliché. Là, ça, tu fais rentrer le loup dans la bergerie. Ah, c'est pas un cliché. Hein t'es pas, tu peux être DJ fidèle. Alors écoute, à oui, l'époque. Oui, bah, on verra. Enfin, après, on va voir ce que ça donne déjà. À l'époque où j'étais DJ, je te cache pas que c'était. Bah, toi, oui, mais il y a peut-être des DJ fidèles. Hein il y a peut-être mais... des DJ fidèles, non? C'est ça. Il Martin Solveig, par exemple, c'est un DJ fidèle. Ah, mais tu vas pas partir sur des gens, je sais pas, moi. Ouais, on sait pas ce qu'il en est. Mais bon, c'est vrai que quand je suis allé à Ibiza, on a passé un bon moment dans sa chambre. Ah bon. J'en doute pas. Bon, Elodie, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. Okay, on offre le stage de cool. DJ. Et puis, hey, viens avec ton pote à Paris. Viens bah assister ouais, à une émission, comme ça, il verra. Il pourra faire connaissance avec les DJ de la maison, Adrien, voilà. Thomas, Mikos, d'accord. Ouais, bon, on les a vus à Summer Sound. À Summer Sound. Ah bah, ouais. À Rochefort. Ouais. Très bien, bah oui, on était là-bas, partenaire. On te fait des bisous, Elodie. Ok, bisous à tout le monde. Bisous, ma bichette. Merci, merci. Belle journée. Ciao, ciao. Dans quelques secondes. Calvin Harris. Il est venu au Summer Sound, Calvin Harris. Je crois qu'il était au Summer Sound. Allez, Maïwé, ça arrive sur Fun Radio. À tout de suite. Party on night. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maëva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop.

You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Vous écoutez Fun Radio, le son dance floor de Parakeet. Ça va arriver là dans moins de 10 minutes. On va jouer au jeu des 30 secondes et pour l'instant on fait de la radio ensemble. Wow. Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Voilà, c'est pour ça, cette émission se fait en direct tous les matins. Ça fait plaisir de faire l'émission en direct. Vous le voyez, funradio.fr, avec le live vidéo pour ceux qui veulent regarder l'émission en plus de l'écouter. Et donc ce matin, c'est un auditeur qui a lancé un sujet sur le hashtag « Tu sais que tu as grossi quand ?» Un truc qu'on vit tous, qu'on a tous vécu ou qu'on revivra tous à un moment, on le sait. La bagarre contre le surpoids est une bagarre du quotidien. C'est tous les jours, ouais. Tu peux glisser tous les jours. Tu vois, ce matin, il y a des auditeurs qui sont venus, qui ont ramené des croissants, des pains au chocolat. Oh là là. Moi, je vais craquer, je vous annonce aujourd'hui. Ah ouais. C'est vendredi. Et il y a un autre auditeur qui est venu aussi et qui, lui, me connaît, m'a ramené des Chris Pauls. Ah, c'est ça, gentil. C'est sympa. Ça, c'est classe ou pas? Parce que c'est une bataille incessante contre le poids. Et après, il y a des moments où tu sais que tu as grossi. On a lancé ce hashtag. Tu sais que tu grossis quand? Et vous avez complété cette phrase, c'est en Top Tweet France depuis 7h du matin. Et sur Fun Radio, on a Laura. Bonjour Laura, à Vignoux. Salut. Tu sais que t'as grossi quand? Quand ta balance affiche une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Oh merde, mais grave. Ouais, ça c'est chaud. Ouais. Quand t'as déjà 90 kilos d'affiché alors que t'as mis qu'une jambe. Oh, c'est horrible ça. Je te fais des bisous, Laura. Oui, Elliot. Vous aussi, quand vous vous pesez, vous y allez petit à petit. Ouais. Genre, vous mettez un orteil, une jambe après l'autre. Et moi, je me retiens un peu au porte-manteau. Bien sûr. Bien sûr. Et t'essayes plusieurs endroits dans la pièce, tu vois. Et oui. Parfois, c'est. Tu bien sûr. Moins. Alors, ça, j'ai ça dans ma salle de bain avec la balance. Suivant les carreaux sur lesquels je suis, je peux perdre entre 1 et 2 kilos et demi. Exactement. Tu vois. Et donc, du coup, après, hop, je prends photo. Et quand je vais chez ma nutritionniste, elle me dit, mais vous avez pris du poids? Je dis, mais non, regardez-moi sur ma balance. Séverine, comment ça va ma belle? Ça va très bien, merci, et toi? Bah super, écoute, hashtag tu sais que t'as grossi quand? Quand t'es obligé d'acheter une nouvelle ceinture parce que tu fermes plus l'ancienne. Ouais. Oh ouais, ça c'est chaud. Et Séverine, tu sais quoi, j'ai trouvé la parade. C'est quoi? Maintenant, tendance, c'est les ceintures élastiques. Ah c'est oui. C'est top, ça marche dans tous les cas de figure. Ouais. Ça c'est bien, ça tourne la vie. Ça fait un peu bretelle quoi l'histoire quand même.

Le bilan s'alourdit d'heure en heure dans les Caraïbes. L'ouragan Matthew a fait plus de 300 morts en Haïti, le pays le plus pauvre de la zone. Aux États-Unis, plus de 2 millions d'Américains ont été évacués hier sur le littoral atlantique où des vents violents étaient déjà enregistrés. L'ouragan approche de la Floride, c'est le plus puissant depuis des décennies. 33 nouveaux établissements pénitentiaires, c'est la volonté du Premier ministre. Manuel Valls était en déplacement à Agen hier et a réaffirmé sa volonté d'agir vite contre la surpopulation carcérale. Il annonce la création de 33 établissements pénitentiaires avec 9 agglomérations concernées en priorité. En foot, la France va poursuivre ce soir sa route vers le Mondial 2018. Deuxième match de qualification contre la Bulgarie à 20h45 au Stade de France. Les Bleus, auteurs d'un début de campagne frustrant contre la Biélorussie 0-0, n'auront d'autre choix que de renouer avec la victoire. Les amis, de toute façon, ça se plaint tout le temps alors qu'ils ne peuvent pas. Selon un sondage Opinionway pour Assurepoil publié ce matin, un Français sur deux préfère passer du temps avec son chien ou son chat plutôt qu'avec ses amis. 97% des personnes interrogées avouent lui parler au sujet de la météo, de leurs petits soucis, de leur journée ou bien même de leur vie sentimentale. Et puis continuez à soutenir le Pasteur Don avec Fonrad. Oui. Il n'y a pas de souci. Bon, on peut faire le lover en parlant des chiens. Pasteur Don, allez, c'est important. Ouais, c'est important. 1500 chercheurs qui se mobilisent au quotidien contre les maladies infectieuses du cerveau et le cancer. Vous pouvez faire un don en appelant le 3620. Bonne journée sur Fun. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. 8h35, c'est Fun Radio. Bon réveil, la famille. Dans quelques secondes, de Parakeet. Sound of Legend Blue aux alentours de moins le quart. Et puis si on a le temps avant 9h du matin, on va essayer de le passer quand même. Notre pote Soprano avec En Feu. 17 octobre, hein, il vient dans le studio. Le jour de la sortie de l'album. Il a demandé à la maison de disque, il a dit je veux faire une émission de radio le matin, je veux aller chez Bruno. Et alors ça tombe bien parce que Nicole Pervers voulait faire un featuring avec lui sur En Feu avec En Chien, on va voir. On essaiera d'organiser ça ensemble. Il y a un truc dans le journal ce matin, là, on parlait aux infos des animaux de compagnie. C'est un truc de ouf. Un Français sur deux préfère passer du temps avec son chien ou son chat plutôt qu'avec quelqu'un de sa famille ou avec des potes. Même 97% des propriétaires avouent parler à leur chien selon une étude pour le salon Animal Expo. Là, il parle de la météo, etc. Bah, je peux comprendre. Tu sais, après, il y a des gens parfois qui sont un peu seuls, alors ça doit leur faire Le matin, moi, je parle à Gaston. Tu lui dis quoi ? C'est le seul qui est levé. Hein ? Tu lui dis quoi ? Alors, hier, je lui ai dit est-ce que tu te fous de ma gueule ? Parce qu'il avait encore chié et pissé dans le salon. Ah, mais c'est pas possible, ce voilà. Et ce matin, non. Donc, ce matin, j'ai dit alors. Quand tu parles à un chat, alors, et tu vois quand t'es gentil, quand tu fais pas caca, et ben ton maître il te fait des câlins. Hop, alors il est tout content, puis il saute sur le lit, et puis après ben, il m'a bouffé une pompe. Mais non. Parce que quand il est content, faut savoir qu'il mange des pompes. Ouais, c'est un délire. Et moi je lui parle parce que je l'envie. Qui ne rêve pas d'avoir la vie d'un chat ou d'un chien? Bon, genre, ton chat, toi. Non, c'est pas mon chat déjà. Comment rectifie. Il s'appelle Marty. Marty, Marty parce que moi c'est Gaston. Ah ouais, c'est quoi toi ton chien déjà? C'est Marcel. Marcel. Mais toi, t'as pas d'animaux. Ah non, qui j'ai pas des d'animaux. Fonf, c'est quoi toi déjà? C'est JR. JR, c'est quoi toi, Loosman? Poussy. Hein? Mais Poussy. Ah putain, le mec, il est là depuis 3 mois, il sait pas. Vous rêverez pas d'avoir la vie d'un chien? Eh, ça va te permettre de voir un Poussy, c'est pas si souvent. Ouais. C'est quoi? Eh, allez, lançons ça. On met les animaux à l'honneur. Dans 10 minutes, vous appelez. 3928, on parle de nos animaux. C'est quoi les noms que vous avez filés à vos animaux? Les noms d'animaux ridicules, d'accord? D'accord. Ah, ouais, on va en avoir beaucoup, je pense. Par exemple, tu vois Dominique Farrugia, il a son chien. Moi, je ris à chaque fois. Il a le collier en plus. Son chien, il s'appelle Jean-Claude. Ouais, c'est une bonne vanne. Moi, je pleure de rire à chaque fois. Ouais, le chien de mon grand-père, il s'appelait Saga. Ça va? Super. Alors, donc, si vous avez des noms rigolos, sauf celui du grand-père d'Eliott, bah, 3928, on fait de la radio. Là, pour l'instant, on joue. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow, le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Me disait comme Saga Africa et tout la chanson. Moi, mon grand-père, et c'est pas une vanne, avait eu un chien qu'il avait récupéré comme ça, il l'avait appelé Foulcan. C'est vrai. Ça, c'est drôle aussi. C'est-à-dire Foulcan au pied, ça me faisait rire. Bon, on a qui pour jouer avec nous ce matin? On a Dylan. Dylan, il a 21 ans, il habite au Mans. Il est commercial dans le jus de pomme. Applaudissements pour Dylan. Oui. Ah, et on est sur de la musique moderne. Bonjour Dylan. Bonjour. C'est quoi ta marque de jus de pomme? C'est Nature de Pomme. Nature de Pomme, d'accord, on ne connaît pas la marque, mais ça doit être un très bon jus de pomme. Dylan, oui, excellent. Tu joues ce matin face à Émilie. Émilie, elle a 32 ans, elle est maman au foyer du côté de Toulon. Applaudissements pour Émilie. J'ai peur parce que quand on a un premier titre ringard d'accueil, en général, le deuxième, on reste sur du vintage. Applaudissements pour Émilie. Ah, Émilie, si tu connais les paroles, c'est que comme moi, tu es ringarde. C'est ça. Mais ça suffit. Ça bonjour suffit. La famille. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, Dylan, vous connaissez le principe. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots pour que vous puissiez gagner une PlayStation 4 avec le jeu de Last Guardian à l'occasion de la Paris Games Week. Ça va démarrer à Paris du 27 au 31 octobre, l'événement incontournable du jeu vidéo en France avec Fun Radio. Je suis obligé de jouer car j'ai gagné hier et avant-hier. Donc la question que je pose, c'est: qui de vous deux veut jouer avec moi ? Eh bien, c'est moi. Et je compte bien que tu gagnes encore aujourd'hui. Eh bien, Dylan, je souhaite que nous gagnions également. Voyons le choix d'Émilie. Elliot. Ah ! C'est le même match qu'hier. On va prendre... C'est pour ça. Elliot veut sa revanche, il va l'avoir. Et je compte sur lui pour m'aider à gagner cette fois. D'accord. Exactement, j'ai la rage de vaincre. Alors, qui commence ? Alors, c'est Elliot qui commence. Oui, j'ai commencé hier. Elliot avec Émilie, 30 secondes, il découvre la liste de mots au lancement du chronomètre. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête et je compte sur lui. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est ce que tu as dans la bouche, le liquide, ça s'appelle là ? La salive. Ok, tu marches au pied, tu mets des ? Chaussures. Ok, ton arrière-train, un synonyme, ça peut être tes ? Fesses. Ok, pour verrouiller ta valise ou une porte, tu peux mettre un ? Cadenas. Ok, une nana de sauvetage sur un bateau, c'est une ? Une nana de sauvetage. Une bouée. Ouais, voilà, bouée. Nana remplace. Nana. Si votre impact n'est pas. Ouais, c'est bien. Quand tu prends un virage en voiture, on dit que tu. Tourne. Ok, le verbe. Tourner. Mais c'est pareil, tourner. Et c'est tourner, pas mal. Après, je l'ai dit après. Ouais. Combien ? Eh bien, ça fait 6 points pour Elliot. Allez. Ah, franchement, Elliot, bravo. Allez. Alors, Dylan, 6. Bien joué. C'est bien 6. On y croit. 6, ouais, Dylan, allez, 6, gagner. Ouais, non, 6, ça veut dire que tu ne dois pas avoir d'hésitation. D'accord. Allez, ça va. Parce que allez. La moindre hésitation, on l'a dedans. Ouais. Putain, tu m'as mis la pression, chez allez, mec. Vas-y. Allez, c'est parti, Bruno. T'es prêt, Dylan ? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Le ciel, il est de quelle couleur ? Bleu. Ouais, il y a le poivre et le. Sel. Une armoire, une commode, ce sont des. Meubles. Oui, ça peut être de la grenadine, de la fraise, on le met avec de l'eau, c'est du. Du sirop. Stéphanie de Monaco, elle chantait comme un. Ouragan. Oui, avec une craie, tu écris à l'école sur une. Ardoise. Oui, si c'est pas mon copain, on est pas copain, on est. Ennemi. Oui, très bien. C'est super beau, c'est. Oh, c'est. Oh, c'est magnifique et c'est magnifique. 7 points. Oh t'as vu les mots de merde que t'as eu, c'était pour des enfants de CM2 votre jeu. Mais tu as eu ou quoi ? Vous avez eu des mots faciles tous les deux. T'en as pas eu des compliqués non plus. Bah, hein. Cana et on salive. Eh, hey, Dylan. Eh ben c'est gagné, mon pote. Pack PlayStation 4 avec le jeu de Last Guardian. On t'envoie ça très très vite, Dylan et Émilie. Pour saluer ton fair play, puisque tu as dit félicitations, on t'offre la compile Bruno dans la radio, d'accord ? Merci à vous. Je vous remercie. Bisous à tous les deux, les amis. J'ai eu Carglass. Genre Carglass, c'était facile, cadenas, fesses. Elliot, toi, on bleu, va pas. Elliot, c'était un beau match. On ne va pas refaire le match. C'est Christina qui a choisi qui commençait, ça se fait au hasard. Donc ça suffit, c'est comme ça. On passe à autre chose. Et on rappelle quand même que j'ai 3 victoires d'affilée. Ça va, ouais, t'es pas mon père, je fais ce que je veux. je gueule. Parakids arrive sur Fun Radio. Il y a du JPI qui s'annonce. Et puis, on va faire le tirage là pour vous envoyer au MTV EMA. Partez faire la fête avec DJ Snake à Las Vegas. C'est le double fun sur Fun Radio. T'as entendu quoi sur Fun Radio, Loïc ? Je t'écoute. Eh ben le double fun de DJ Snake avec Let Me Love You pour la première et Talk pour la deuxième. Loïc, tu pars à Las Vegas. Bien joué ! Merci Fun Radio ! Merci ! Eh, c'est beau ça. C'est le double fun sur Fun Radio. 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel.

radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Bonjour la famille, tout à l'heure on va vous appeler là pour vous faire gagner vos passes pour assister à la cérémonie des MTV EMA. On va vous envoyer à Rotterdam, applaudir Justin Timberlake, Justin Bieber, Justin Bridou, tous les Justin sont là-bas, tous les Justin de la Terre, on va tous les faire venir. Parakeet, ça arrive. Et puis, on disait tout à l'heure que 97% des Français parlaient à leurs animaux de compagnie. Et des fois, certains parlaient plus à leurs animaux de compagnie qu'avec les personnes avec qui ils vivent. Et du coup, on est parti sur le délire des animaux et je disais, voilà, est-ce que vous avez des noms d'animaux un peu rigolos? Je disais, voilà, moi, mon chien s'appelle Gaston. Et on est tous partis sur les délires d'animaux en disant, allez hop, mettons nos animaux à l'honneur et parlons un peu de vos animaux de compagnie pour avoir les noms les plus ridicules. Oui, Elliot. Moi, le premier chien de mon grand-père, il s'appelait Betty. Betty, oui, c'est mignon. Non. Sinon, il y a Kader aussi sur Twitter qui propose moi, mon chien s'appelle Elliot. Désolé, ah, Elliot. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chiens qui s'appellent Elliot. Alessandra à Lyon. Bonjour, Alessandra. Bonjour. T'as quoi? T'as un chien, un chat? J'ai un chat. Ah là. Berk. Ah, enfin bon. Allez, on vous accepte quand même. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Dexter. Mais ça va bien, un chat, Dexter. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est les cool. Chats sont des tueurs en série potentiels, donc ça marche. Je te fais des bisous, Alessandra. Sandy, elle est à Paris. Bonjour, Sandy. Bonjour, la famille. Bonjour. Allez. T'as quoi, toi, comme animaux? Moi, j'ai des poissons rouges. Bah, poissons rouges, ça va. Quoique, c'est chiant aussi quand tu pars en vacances, les poissons rouges. Ça sert à rien. Il s'appelle. Oui, c'est vrai. Sans déconner. Ça décore. Il s'appelle comment, tes poissons rouges? Il s'appelle Christophe et Maë. Oh, c'est énorme. C'est drôle, c'est tes enfants qui les ont appelés comme ça? Non, c'est moi, parce que j'aime bien Christophe Maé, donc voilà. D'ailleurs, je sais pas si ça va lui faire plaisir. C'est drôle. Mais ça me fait rire, je t'embrasse, Sandy. Oui, Elliot. Je l'ai jamais raconté, mais quand j'étais petit, j'ai essayé de caresser un poisson rouge. Et ben, il est plus là aujourd'hui pour en parler. Mais c'est agréable, mais ça bouge beaucoup, quoi. Quelle horreur. Je sais pas ce que t'as fait, toi, petit Elliot, t'as une enfance vraiment chelou. Un peu bizarre. Bah, ouais. Vanessa, elle est à Bordeaux. Bonjour, Vanessa. Salut, la famille. Salut. T'as quoi comme animal? Moi, c'est un dragon d'eau. C'est quoi un dragon d'eau? C'est un Pokémon. C'est comme un iguane. Ah, d'accord, ok. Mais dans l'eau. Voilà. D'accord. Et il s'appelle comment? Il s'appelait vasectomie. Quoi? Alors, vasectomie, de mémoire, c'est l'opération qui consiste à couper les coucougnettes, hein, c'est ça? En tout cas, enfin, à te rendre stérile, c'est ça? Voilà. Ouais. Et pourquoi tu l'as appelé comme ça? Ah non, je l'ai récupéré comme ça, je l'ai adopté, et en fait, les proprios l'avaient appelé vasectomie. C'est un délire chelou, quand même. C'est un délire. Mais vous savez quoi? Je te fais des bisous, Vanessa. Je pense que le nom d'animal le plus au summum, tu vois, il y a l'échelle des noms d'animaux. Je pense, Christina nous a. Ouais, j'ai pas envie d'en parler. Bah, tu sais quoi? Je vais le dire pour toi. Je pense, elle m'a donné le nom d'animal le plus raciste de France. Alors, je précise, c'est pas moi. Hein. Son grand-père. Mais mon grand-père, il est mort quand j'avais 10 ans. Alors aujourd'hui, il n'est plus, d'accord? C'est pas Jean-Marie Le Pen, donc. Non, c'est pas Jean-Marie. Parce que je pense que Jean-Marie Le Pen aurait pu. C'était quoi comme animal? Un chien? C'était un chien, c'était un dalmatien. Voilà. Alors écoutez bien, le nom, je pense que plus raciste, c'est pas possible. Non, c'est. Mais il l'appelait dans la rue, son chien, vraiment? Ah ben, il l'appelait partout. Mais c'était normal à l'époque, quoi. À l'époque, les gens lui disaient rien. À l'époque, j'avais 8-9 ans, tu vois. Bah non, il lui disait rien. Ça choquait personne. Le nom d'animal le plus raciste de France. Elle me l'a dit tout à l'heure, j'ai failli tomber de ma chaise. Il s'appelait comment? Bamboula. Voilà. Ah, mais non. Écoute, tu sais quoi? Il a tué le game. Vraiment. Je l'embrasse, papy, si tu nous écoutes. Ah bah, c'est ça. Il a une petite moustache sur le nez, non, ou pas? Non, mais je te dis, le pauvre, il est mort il y a longtemps. Ouais, bah oui. Le pauvre. Le pauvre. Years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. est entre Lyon et Mâcon, à Belleville, pour être précis, les amis, ce soir. Soirée Bruno dans ton club avec Elliot. Ça commence un peu plus tôt ce soir. Ce sera à minuit. On va aller mixer dans un endroit qui s'appelle le BPM Lounge. Yeah. Un nouveau truc qui paraît. Voilà. On va aller là-bas ce soir avec Elliot. Faire les cons avec vous. Rendez-vous à minuit. Donc, enfin, vous pouvez arriver avant. Nous, on arrivera à minuit. Apparemment, ils servent des tapas. Ouais. Entre Mâcon. Oh, bah, s'ils servent des tapas, on arrivera avant. Entre Mâcon et Lyon. Mais qui vend bien une soirée en boîte. Et bah, ils servent des tapas. Et peut-être si vous êtes sage, je vous aurai un gazpacho. Mais les tapas, c'est la vie, Bruno. Bien sûr, les tapas. Je suis Elliot là-dessus. Ouais, merci. Allez, on va faire le JP. Le JP sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI à 25 ans. Il écoute de la musique classique, il regarde Arte, il boit de la verveine et collectionne des timbres. Et se rend compte qu'il a une vie de merde. Et récompense, le nom du prix Nobel de la paix sera connu ce matin. Non, la paix. La suite. Kim Kardashian a déclaré aux enquêteurs que les braqueurs parlaient français sans accent et étaient de type européen. Super, ça ne réduit plus les recherches qu'à environ 50 millions de personnes. Après Maître Gims, l'année dernière, c'est Zaz qui a été choisi pour chanter avant la finale de la Coupe de la Ligue de football au Parc Oel à Lyon en avril. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Qu'est-ce qui se passe, Anthony ? Bah je défonce tous les haut-parleurs du Parc Oel. Vous me remercierez en avril. Ah oui, la France entière vous remercie, Anthony. Merci. Et pour finir, si vous aimez les animateurs télé et le bricolage, achetez du Black & Drucker. Oh là là, ouais, il tire un peu celui-ci. Ouais, la glissade. Ouais, un peu. Ouais. Bon, bah lundi du coup. Ouais, bon week-end. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot. C'est le top 3 d'Elliot. Là, ça va arriver en direct sur Fun Radio dans moins de 5 minutes. Le temps d'écouter Sound of Legend sur Fun Radio Blue. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. On va revenir en direct là dans moins de 5 minutes. Il y a le top 3 d'Eliott qui se prépare et puis on vous envoie assister au MTV AMA à Rotterdam. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW.

Ouais les amis, c'est vendredi, détendez-vous un peu là, voilà, mettez-vous en mode à la cool. Vendredi c'est le week-end qui s'annonce. Vous allez le passer avec Fun Radio et le son Dance Floor de Fun. C'est Mike Perry qui arrive dans quelques secondes. Ou encore Benjamin Braxton. Le 7 novembre prochain, il y aura à Rotterdam les MTV EMA, cérémonie de remise de prix où il y aura entre autres Justin Timberlake. Et il y aura Beyoncé, il y aura Justin Bieber. J'ai dit le 7 novembre, c'est le 6. Dimanche 6 novembre. Vous voulez être là-bas, on vous avait dit toute la semaine, vous tweetez avec le hashtag Bruno Fun Radio et on n'est pas à l'abri de vous demander en inbox votre numéro de téléphone. On l'a fait plein de fois, on appelle maintenant quelqu'un en direct qui va partir, invité par MTV. En VIP. Allô? Allô Axel? Oui. Bonjour Axel, c'est Bruno. Bonjour. T'es en direct sur Fun Radio, je t'invite à Rotterdam au MTV EMA. Ça t'a plu? Bravo! Comment ça va Axel? Ça va bien. Axel, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? T'habites où? Tout ça? J'ai 21 ans et je suis en alternance en informatique. Et d'accord, ok. À Melun. À Melun, d'accord, dans le 77, ok. Ouais. Alors, je t'offre les billets aller-retour pour te faire un petit Paris-Rotterdam. Sur place, on va t'amener à ton hôtel où tu auras ta nuit d'hôtel, bien sûr, avec le petit-déj et les entrées pour assister à la cérémonie des MTV EMA, histoire de kiffer Justin Bieber, Justin Timberlake, Beyoncé, etc. Et tous les Justines. Mais tous les Justines, exactement. Bon, ça te fait kiffer ou pas, ma chérie? Ah ouais, bon, je pensais pas en plus. Bon, et ben tu sais quoi? Je tremble du tout. Et alors, le lundi matin, on te passera un petit coup de fil parce que tu nous raconteras comment t'as vécu ta soirée quand même. Hein. Ok, bah oui. On te repasse le standard, on te fait des bisous. Ça marche, bisous à vous. Bisous, ma bichette. Ciao, ciao, ma belle. Bon, on essaye dans quelques secondes d'appeler Vaché. Oui. Pour l'instant, top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top, gracias mucho. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot, c'est le top 3. Numéro 3. Tu sais que tu as grossi quand? C'est le hashtag qu'on a lancé ce matin et on l'a fait dès 7h. Hashtag tu sais que t'as grossi quand? Tu sais que t'as grossi quand tes boutons de chemise ne se ferment plus au niveau de tes pectoraux. On dit tes seins au bout d'un moment. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, tu dis des pecs pour faire genre je suis musclé, mais si vraiment tu prends du poids, c'est des nibards. Prince à Créteil, t'as 20 ans. Tu sais que t'as grossi quand? Alors, tu sais que tu as grossi quand tu commences à prendre des salades au McDo. C'est quoi, ça me fait rire? C'est comme quand tu vas au Domac, d'accord, et que tu te prends genre un bon burger, des frites, ouais, et que tu demandes un Coca Light. Ah ouais. Je t'embrasse, Prince. Il y a David qui dit, tu sais que tu as grossi quand ton fauteuil de bureau descend tout seul à longueur de journée alors qu'il est neuf. Ouais, bien sûr. Tu sais que t'as grossi quand tu ressors, tu sais, genre le mobilier de jardin de l'été d'avant, exactement, et que tu casses la chaise pliante. Ça m'arrive, ça, une année. Sérieux? Ouais, ouais, et là, oh là t'as là un peu la honte. D'ailleurs, c'est toujours numéro 1 top tweet France. Tu sais que tu as grossi quand? Bravo la famille, merci les amis. Numéro 2. Si vous étiez pas là ce matin, on a eu un auditeur avec une voix chelou, écoutez. Allô? Allô? Bruno? C'est le grand-père des Simpsons. Ah non, il est trop fou. Comment ça va? C'est le festival des voix cheloues ce matin. Je suis malade. J'y crois pas. Félicitations à Vaché. Ah, ça s'écoute en couple la radio donc. Ah oui, ça y est. Allez, je t'en mets un petit coup de jaja. Un coup de rouge, brouilleux. Maintenant que vous êtes réveillé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, le petit câlin du matin. Là, c'est ça, tout chaud là. D'accord. Bon, on vous embrasse tous les deux. Ouais, merci. Tu raccroches pas. Bisous. Ciao, ciao. Tu l'imagines faire l'amour, lui? Oh, vas-y, chérie, vas-y. Il est enrhumé, ça arrive. Ça arrive d'être malade, mais on a beaucoup d'auditeurs malades ce matin. De rien, regarde-moi mon nez. Je peux dire que quand il est bouché, c'est les grottes de Lascaux. C'est vrai que la crève trente beaucoup en ce moment. Une grosse période de crève. Là, qui l'a eu dans l'équipe là, cette semaine? C'était moi, c'était ma semaine. Ouais, ouais, ouais. Normalement, j'en ai contaminé 2-3, on verra lundi, mais normalement, j'y ai mis du cœur un peu. Numéro 1. Et dès 6h, on a fait des vannes sur Tal, écoutez. Ouais, ça m'a un peu saoulé. Du coup, Bruno, on peut dire que Tal eut les boules. Bien sûr. Voilà. Eh oui. J'en ai rien à péter. D'ailleurs, est-ce qu'elle fait des pétales? Ouais. Oh. Et le matin au petit-déj, quand elle se lève, est-ce que tu crois qu'elle a les crocs, Tal? Ah. Boum. Ok, il y en a d'autres qui se présentent sur le jeu de mots avec Karine. Allez, on y va. Quelqu'un dans le public. Karina du GPI, attention. Elle aime le fromage et mental. Hey ouais, non. Mika du GPI. Est-ce que quand elle a mal, elle va à l'hôpital? Ok, ouais, très bien. Anto du GPI. Mais sinon, elle rentre Cantal. Cantal, très bien. Cantal. Est-ce que d'autres personnes se présentent dans l'équipe? Non, c'est bon, on a fait le tour. Ah, Luzman du standard. Est-ce qu'elle est en directal? Quoi? Rectal. Ah. Heureusement que tu l'as rattrapé, il était à deux doigts de se foirer. Parce que hier soir, on a eu Tal qui nous a appelé en direct sur Fun Radio à 22h40 avec Marion Enzo. Et ben moi, forcément, ben, je dormais à 22h40, donc ça m'a fait un peu bizarre. Bon, les amis, avant de partir, je voudrais que nous tentions d'appeler le papa de Georges. J'espère qu'il va décrocher. Il m'a juste envoyé un petit SMS il y a 20 minutes. Mais comme l'accouchement est un petit peu compliqué, je pense qu'il doit gérer pas mal de choses. Donc j'espère qu'il va décrocher. On pourrait lui pardonner. Oui, on pourrait lui pardonner. On appelle Vaché. Papa depuis hier. On n'a pas l'heure précise de l'accouchement. Non, c'était en début d'après-midi, j'imagine. Parce que nous, on avait lancé un concours dans l'équipe avec une fourchette d'un quart d'heure chacun. J'aimerais bien savoir qui a gagné quand même. À mon avis, il répondra pas. J'ai dit 14-15. Je pense que je suis pas mal. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Grégory Vaché, boulanger-pompier. Vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Et si jamais il s'agit d'un incendie, ne paniquez pas, je finis mes chouquettes et j'arrive. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Georges. Je sais pas comment on le prononce. Jorge, Jorge. Non, Georges. Je pense qu'on dit Georges. On dit Georges, tu crois? Ouais. Georges. Bon, bienvenue à Georges Vaché. C'était tes amis de Fun Radio, ta famille. Tu nous manques, Vaché. Voilà, on voulait un petit message de toi. On a 3 millions d'auditeurs qui envoient des messages, mais visiblement, tu n'en as rien à foutre. Tu préfères te recentrer sur ton fils et ta femme. Magnifique. Bravo. Non, mais c'est compliqué. Il doit gérer plein de trucs, là, ce matin. Bon, on te fait des bisous, mon Vaché. Il viendra pas lundi. Lundi, il sera là. Tu crois qu'il sera là? Oui, il m'a dit qu'il sera là lundi. Bon, on t'embrasse, Vaché. Et à partir de quand on peut aller voir le Troufion? Alors là, j'imagine qu'ils vont rester un petit peu à l'hôpital. Donc, à mon avis, ce sera peut-être fin de semaine prochaine, j'imagine. Je pensais faire une tournée, moi, avec l'enfant pour le montrer dans les lieux. T'imagines l'horreur! Avec le bus. Quelle horreur! Les amis, vous faites quoi ce week-end, Christina? Alors, j'emmène ma fille voir le spectacle de Petit Ours Brun. Oh! Ouais. Elliot, ce soir. On passe nos week-ends ensemble maintenant avec Elliot. Soirée Bruno dans ton club, ce soir à Belleville. Yeah. C'est entre Lyon et Mâcon, au Lounge. Au BPM Lounge. Café Lounge. BPM Café Lounge. Et donc vous allez manger des tapas. Oui. C'est ça. Mais j'y vais que pour ça. Moi j'ai faim. Allez les amis, on est parti. Oh, vous avez crié plus fort qu'hier, c'est canon ça. Bonjour la famille. Comment ça va, Mika? Eh ben ça va bien. Et moi j'ai rien de prévu pour ce week-end, pas de cheval, rien. Je rentre pas à Nantes, donc si vous avez un truc pour moi, ben, je vous suis. Hein. Mais est-ce que tu penses vraiment, Mika? Et là dis-moi. Je te le dis, c'est l'ami. Dis-moi. Est-ce que tu penses vraiment que je vais jusqu'à la fin de cette saison, jusqu'à la fin du mois de juin, avoir chaque discussion de 9h avec Pierre, 9h15 avec toi? Et le mot cheval, vraiment, est-ce que tu penses que ça va être ça? Alors, je pense, ouais, je pense. Parce que moi, je peux prendre quelqu'un pour me représenter au moment de nos changements d'antenne. Donc, on trouve un Bruno Guillon 2. On a compris que t'aimais le cheval, va falloir passer à autre chose, tu vois ce que je veux dire? Alors, je t'ai pas aussi parlé, parce que c'est vrai que ce week-end, c'est vrai que j'ai rien de prévu, mais je m'étais dit quand même, est-ce que j'irais pas faire une petite balade à cheval, hein, tu sais, du côté de l'Oise. Allez, les amis, on revient lundi. On vous souhaite un bon week-end, je vais le taper. Bon, et si on mettait un double fun avant midi, ça c'est bien. Et ça dépend, t'offres quoi, des éperons? Oh, le mot éperon, quoi. C'est génial. Ce que c'est. Avec la cravache et tout, non. Double fun de DJ Snake sur Fun Radio avant midi. Bisous la famille, bon week-end. Bisous. Ciao. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a Nouveauté Fun Radio. Cadet. Fun Radio. Les défauts deviennent la perfection. Attaché comme un chien, je me regarde, cherchant le contre de mon illusion. Je deviens parano, parano. Ce poids et ces jugements, je les rejette dans les flammes. Le bonheur n'a de prix que si tu le réclames. Et quand j'y vis, j'en perds mes mots. Monde brille et ce poids sur mon dos. Ma délivrance devient ma danse. Je deviens parano, parano, parano. À vous tous d'avoir choisi Fun Radio, c'est le 9-12 qui démarre maintenant. Bonjour. Fun Radio. Le son dance floor. Je m'appelle Mika, bienvenue. Bon, j'espère que tout va bien. Dernière ligne droite avant le week-end. Là, ça fait du bien, ça. Hein. Quand on démarre cette journée, on se dit ce soir, c'est le week-end, on est vendredi. Bienvenue à la maison, en tout cas, Fun Radio. Singila dans quelques secondes, nouveauté fun. Je vais mettre Cashmere aussi, très très fort. Et puis Chainsmokers, tout ça, c'est sur Fun Radio dans plus de 40 minutes de son dance floor non-stop. Party on night. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Bonsoir à tous et bienvenue dans Party Fun sur Fun Radio, c'est Adrien Thomas. Welcome in the biggest club in France. Party. Party Fun. C'est Party Fun. Et ce soir, à minuit, Quentin Moziman. À 2h, Chucky. En DJ set sur Fun Radio. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, encore 3 semaines. Jusqu'à demain, le dos de cabillaud est à seulement 10,90€ le kilo. Oui, 10,90€ le kilo. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dans les magasins équipés d'un rayon marais traditionnel, pêchés en Atlantique Nord-Est. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Assieds-toi, maman, je m'occupe de Oula, tout. Attention, mon chéri, ce couteau coupe très fort. Oui, maman. Et lave bien la salade, hein, mon choubiglou. Maman. Attention à ne pas te brûler, trésor. Maman, je suis plus un gamin, j'ai 32 ans. Si j'ai pu m'offrir ma cuisine Ikea, je peux aussi l'utiliser tout seul. Il y a des choses que l'on aimerait ne jamais voir grandir. Chez Ikea, les prix restent petits toute l'année. Venez vite découvrir toutes nos cuisines à bas prix dans votre magasin Ikea. La nouvelle cuisine Calarpe bleu turquoise est à seulement 379€. Ikea. Carrefour. Franck, tu sais que la foire au vin continue chez Carrefour ? Oui, d'ailleurs, j'ai repéré une bouteille de Haut-Médoc Rouge Château Micle 2012. Ah oui, une belle robe grenat, des notes de fruits rouges. Et pour une bouteille achetée, la deuxième est gratuite. Sans parler de la sélection de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. Ah bah si, parlons-en. En ce moment, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de Haut-Médoc Rouge Château Micle 2012 achetée à 9,90€, la deuxième est gratuite, soit 4,45€ la bouteille. 55 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Zumba Fitness.